Est-ce que t'as une intro ou un truc? Une intro, non, j'ai pas d'intro, non. T'as pas un numéro de claquette? Bah là j'ai pas mis mes fers. Tu les as laissés sur C'est tes des autres. Doc Martens en plus, donc T'as laissé tes fers sur les autres. ouais, sur mes autres sabots. Ah, Ouais. d'accord, très bien. Bon bah on va y aller alors. Appeler le maréchal. On y va? Des logis. Oui, bien sûr. Nous sommes en 2019. Je suis toujours enrhumé. Et c'est le retour de Road to Hellfest Yeah! pour un épisode. Bonsoir! Bonsoir, c'est vrai. Épisode 3, saison 8. C'est ça, tout à fait. Épisode 8, saison 3. C'est l'année 2019 pour tout le monde, y compris pour nous. Alors, bonne année! Allez, trinquage! Tiens, ouais! Schling, schlung. C'est bon, là, je peux le balancer. Ouais, on peut boire, c'est marqué. Non, parce qu'on a un fil, hein. On a un conducteur qui est très, très, très précis. Vous allez voir, on va bien se marrer. Alors, Bob, as-tu passé une bonne semaine? Moi, c'est gentil de demander. Non, non, pardon. Alors, ces vacances. Super. T'as bien profité? Ah, mais dis donc. Est-ce que tu as trop picolé? Oui. Est-ce que tu as pris du poids? Un peu, ouais. Ouais, moi aussi, ouais. Saloperie. Hein. Un peu. Est-ce que t'as bien mangé? Ouais, ça a été, ouais. Au final, alors, ce petit... Oui, on vous dit tout. Allez. Allez, on peut balancer. Vas-y. Il se trouve qu'avec Bob et moi-même, on se voit très très peu en dehors du podcast. Et du coup, quand on se croise, c'est toujours lieu un petit peu à des moments rigolades. On se croise sur un parking ou au milieu de Picard. Du coup, ma question était la suivante. Est-ce que c'était bien bon? Oui, ça a été. Ça a été? Ouais. Ah, bah ça me fait plaisir. Ouais. Bah, j'ai toujours peur avec ces trucs-là, mais pourquoi ça a été. Ah bon, tu sais, moi, après, quand c'est déjà préparé, que c'est congelé, ça... Ah, mais c'est Picard, mec. Ouais, non, mais je connais pas plus que ça, donc j'y suis y été une fois ou deux. Et du coup, là, tu regrettes pas? Bah, ça va, ouais, non, ça va. Ouais, je pense que j'y retournerai. Ah, vous voyez, Picard, n'hésitez pas à nous sponsoriser. Ah, moi, je prends. Son champagne. Bah, non, mais je prends, attends. Ah, ouais, non, mais... Attends, ouais, ouais. Le petit gratin de pommes de terre, attends. Ouais, ça va, ouais. Tu connais mon amour de la bouffe, hein, moi, je fonce. Alors, ces vacances? Eh ben, super. T'as été bien gâté par le Papa Noël? Ouais. D'accord. Assez, ouais, c'était sympa. Merci à lui d'ailleurs, s'il nous écoute, je sais pas s'il nous faudrait écoute. Faudrait qu'on pense à l'inviter. Ouais. Je pense qu'il aurait des choses à dire. Faudrait le taguer, peut-être qu'il nous répondra, qu'il a écrit. Putain, je vais jamais m'en souvenir, mais ok, taguer le Père Noël. Ouais, cool, très bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc, à quoi as-tu pu passer toute cette journée? Eh ben, c'est une bonne question ça, qu'est-ce que j'ai foutu? À glander, pas mal. Ouais. Vacances de Noël en même temps. Bon, alors est-ce que tu as par exemple mis à profit tout ce temps de vacances? Parce qu'on peut savoir qu'on a été, toi comme moi, assez chanceux de ce côté-là. On a eu plus d'une semaine. Ouais. Donc on n'a pas à se plaindre. 11 jours. Je vais y un peu plus. Mais la question n'est pas là. Est-ce que tu as pu mettre tout ce temps à contribution, non pas pour l'épisode de ce soir, mais pour approfondir ta culture musicale et as-tu découvert des choses sympatoches? Découvert des trucs, ouais, j'ai découvert deux groupes, j'ai plus les noms, mais je les ai découverts il y a peu de temps. Ça reste dans le Viking Pagan, hein, d'accord, dans cet esprit là, un peu Wardruna, tout ça. J'espère que vous avez bien noté la référence. C'est dans l'esprit Wardruna, mais je me rappelle plus du nom. Alors, des groupes. Dans Spotify, vous écoutez un peu de Wardruna, et au bout d'un moment, ils vont vous proposer voilà, un groupe. Voilà, c'est deux groupes. Alors, si vous les proposez, c'est ceux-là. Voilà. Donc, vous cliquez. D'accord. Voilà. Ok. Bon, après, c'est de la réécoute. Si, j'ai écouté le dernier titre de Mélancoline. Ah oui, t'aimes bien Mélancoline, toi? Oui. C'est ce qui me semblait. Bah, il est sorti aujourd'hui, non? Ou hier? Non, il est sorti il y a une semaine ou deux, je crois. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, voilà. Très bien. Et toi, ces vacances, Je vais te dire que je vais pas être très original, mais j'ai un peu copié sur toi. J'ai fait beaucoup, beaucoup de consoles de jeux. Ah ouais. Ouais. Je dois dire que j'ai pas fait beaucoup, moi. Ah si, j'en ai fait pas mal. Bon, j'ai fini Spider-Man, hein, 100%, ça c'est réglé. J'ai beaucoup joué à Smash Bros. Et j'ai commencé D3, Become Human. Ah, ça y est, tu l'as acheté. Bah, je l'avais acheté avant les vacances. Ouais, mais tu m'avais dit que t'allais l'acheter. Ah oui. Et on s'est pas revu depuis, en fait. Enfin, si, chez Picard. On s'est croisé. Royaume surgelé. Bah, chez Picard en même temps. La caisse. C'est, bien la que caisse. Les caissières soient pas spécialement chaleureuses, mais... C'est vrai ce que tu dis. C'est peut-être des formations professionnelles. Oui, c'est vrai. C'est... Ah, c'est un jeu de mots. Non, non, non. Enfin, ah oui, en même temps, moi, je bosse avec des enfants. Non, non, non. Alors, très bien. Donc, pas énormément de nouvelles. Et pourtant, depuis hier, c'est un petit peu une douche qu'on reçoit. Tout à fait. On a quelques news Hellfest. Ça tombe bien. C'est le thème du podcast. Oh. Mais en attendant, je te propose de commencer la rubrique news habituelle. Tout à fait. News, news, news habituelle. Dis-moi. Je me farcirai bien la première. Vas-y, fais donc, fais donc. Ils viennent de finir d'enregistrer les voix pour les 21 titres prévus pour ce nouvel album qui sortira en 2019 chez Metal Blade Records, leur premier album chez eux. Et Howard Jones vient faire un featuring sur l'un des titres. Pas de date de sortie, mais le chanteur Jess Leach a précisé qu'il avait tout mis dans cet album. Colère, dépression, anxiété et sa chirurgie vocale. Parce que quand on a une chirurgie vocale, ça nous bouffe de l'intérieur. Tout à fait. Toi, la dépression, l'anxiété, la colère, c'est des sentiments que tu peux avoir souvent. Ouais. Mais la chirurgie vocale, c'est déjà plus rare. Ouais. Tu vois. Donc, d'ailleurs, on peut noter que dans les gens connus, il y a eu... Oui. Tu vois. Ouais, ouais. C'est en 92. Voilà. Ouais. Et bah, il était aussi un peu... Oh oui, mais bon, ça s'est bien remis. Clairement, oui. Bah, techniquement, ça s'est bien remis aussi, lui. Ouais. Bref, un album que j'attends beaucoup. De qui s'agit-il, Bob? Tout à fait. Aucune idée. Sérieux? Non, aucune idée. Oh, attends. Mais... non, je vois pas. 2019, on parlait de Slipknot, mais non. Ah, oh, quel dommage. Slish, non. Vas-y. Tu viens de passer à côté d'un séjour à la montagne. Oh mince. Du coup, j'irai tout seul. Je parle bien sûr de Killswitch Engage. Oh, bah bien sûr, tu me demandes à moi. Bah. Et tu sais pourquoi j'allais te dire ça? Son opération a eu lieu avant le Hellfest. Ah bah c'est ça. Donc, ça se voit pas trop. D'accord. Tu me demandes à moi, Killswitch Engage. Bah, le groupe que j'ai dû écouter un titre, je connais même pas le... C'est bon. Voilà. Sachant que tu les as vus en concert, t'as forcément écouté plus d'un titre, mais bon, je joue sur les mots. Je les ai vus en concert. Ouais. Oh bah, dis donc, t'es... Ah bah, tu vois, la preuve... Tu te souviens pas? Ah non, pas du tout. Bah ouais, le fait cette année, hein, 2018. Ouais, 2018. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on peut pas dire. Mais ouais, non, mais après... je les ai vus. Très très bien. Ah ouais. Ouais. Mais sur scène, c'est toujours différent. Hein. Mais bien sûr. Mais c'est pas toi qui es sur scène. Non, non, mais je veux dire, les groupes sur scène, c'est toujours différent. Je vois où tu vas en venir et je vais pas rentrer dans ton petit... Non, ouais, c'est ça. Allez, prends la news suivante, mec. Tu sais ce qui me ferait plaisir pour l'année 2019? Oui, oui, oui. Voilà. Tu peux redire, mais avec moins de oui. D'accord, bah vas-y, on refait. Tu sais ce qui me ferait plaisir pour l'année 2019? Oui. Voilà. Là, c'est bien. Je pense que ce qui te ferait plaisir, c'est une voiture, parce qu'il n'y a pas ta voiture devant ta maison. Ouais, t'as vu? C'est un camion. Mais comment ça se fait? Bah, parce que c'est comme ça. C'est... Ah oui, non, il n'y a pas eu un redrame. Ah non. Ça aurait été fort, un drama 2019, la voiture. Attends, t'imagines, hein, oh. Dès la reprise, non. Non, c'est le camion du taf. D'accord, très bien. Voilà. Bon, bah alors, non, je sais pas. Eh bon, donc, bah, ça me fait plaisir de savoir que tu sais ce que je veux pour 2019. À toi. Frère de métal. Ah, bien sûr, c'est normal. Non, en fait, t'as pas... Ah, j'ai pas dit. T'as pas lu la news. Ah, flûte. Oui, non, mais c'est pas... Eh ben, ce qui me ferait plaisir, vu que tu sais, tu vas me le dire, c'est... Un nouveau Mastodon. Oh, dis donc, tu lis dans mes pensées. Je sais bien. De quoi que lis-je? Un nouveau titre a déjà été enregistré et devrait sortir avant le début de leur tournée au Royaume-Uni, qui débute la semaine prochaine, donc cette semaine, voire vendredi. Alors, on n'a pas tant de news que ça, donc évite de lire trop vite. Bah c'est écrit comme ça. Hein. Trois petits points. Une chanson brutale. C'est vrai. Mais je n'étais pas prêt. Ah oh non, c'est... Non. Oh. Non. Flûte. Non. Non, je suis désolé, tu me refais cette news. Elle a été beaucoup mieux écrite que ça. Et tu ne lui as pas rendu justice. De quoi? Que lis-je? Un nouveau titre a déjà été enregistré et devrait sortir avant le début de leur tournée au Royaume-Uni. Qui débute la semaine prochaine. Je donne tout, donc j'écris les news. Donc cette semaine, voire vendredi. Une chanson Oh combien brutal. Je me sens mais bien. Je n'étais pas prêt. Oh putain. Alors ? J'étais fier de cette news. Je veux dire, ouais, j'ai tout gâché. Je l'avais écrite, elle était pas si mal, elle était bien faite. Attends, je vais la refaire. Bob. Tu sais ce qui me ferait plaisir pour l'année 2019, virgule, un nouveau mastodon, point. Je peux te la bousiller encore plus que... Non, mais excuse-moi, j'écrivais à ma mère. Ah ouais, non, j'ai cherché un truc que j'avais vu et je toutes les annonces de groupe qui allaient sortir un album en 2019. Mmh. Et je retrouve plus. D'accord. C'est que je l'avais vu. Donc je suis un peu. Voilà. D'accord. Ah, ben... Non, ça te ferait plaisir. Parce que moi, ouais, dis donc. Mmh. Ouais. Mais. Par rapport à tout ça. Ouais, tu vois tout. Au final, ah bon, ouais, c'est bon. Hey. Oh, hey, allez, ça me saoule, je me casse. Non, bon, ça te fait quand même plaisir ou pas? Ah bah, bien sûr. Ah bah, cette semaine, tu as entendu une nouvelle chanson, bordel. Bah ouais, bien sûr, je suis content. Je suis en joie. Hey, c'est moi, ça, qui suis en joie. Toi, t'es en ro. Ouais. Bon, je vais prendre la news suivante. Ouais, traité. Alors. Selon Richard Crusp... Ah, bah tiens. Qui se dit peut-être Cruspy, je ne sais pas. Crusp. Crusp. Alors, j'ai recommencé. C'est pas une tireuse à bière, ça? Ah non, c'est... Non. Crust, non, non. Trust, c'est un groupe. Ah, Trust, c'est un... Ouais, c'est un groupe suédois. C'est ça. De black metal. Qui donne très, très envie de pisser. Alors, selon Richard Crusp, Rammstein a terminé l'enregistrement de son nouvel album prévu pour 2019. Le précédent remonte à 2009. Quand même, hein. Quand même. 10 ans. Ouais. Et l'album serait sûrement prévu pour le mois d'avril. Probablement, mais garanti avant la tournée des stades du mois de juin. Petite précision, 5 vidéoclips accompagneront l'album. À savoir si c'est les 5 vidéoclips dès la sortie ou un peu plus tard, c'est une autre paire de manches. Oh. Ce qui est une expression un peu conne, parce qu'on est rare, on a rarement plus... Enfin, on a deux... Enfin, on a rarement... Plusieurs paires de manches. Oui. T'as qu'une paire de manches. Bah oui, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu coupes au niveau de la manche? Tu peux avoir qu'un bras, mais pas trois. Peut-être tu peux en avoir trois, je sais pas. Mais du coup, ça ferait plus une paire de manches. Quoi. Ah, t'es dans la merde, ouais. Bah ouais. Oui, mais enfin, de toute manière, une paire de manches, est-ce qu'on parle vraiment de couper la manche? Oh, alors là, je sais pas du tout. Faudrait qu'on pose la question. À qui? À un couturier, peut-être. Bonjour, excusez-moi. Ouais, au sujet de la paire de manches, est-ce qu'on peut en avoir une autre? Comment ça se passe? C'est un truc qu'on peut remplacer? Genre, je donne ma paire de manches à mon pote. Et... Ouais. Oui, sur certains vêtements, oui, on peut remplacer les paires de manches. Ouais. Hey, c'est une idée à lancer, ça. C'est pas con. Oh, putain, une start-up, mon gars. Putain, mais grave. Pairedemanches.com. Ah bah, tu m'effaceras ça parce que qu'on se fasse pas piquer l'idée, mec. Hein. Oh la vache. Putain, mais tu te rends compte tout ce qu'on donne comme ça, gratos? Bon, du coup, un nouveau Rammstein, ça te... Eh bien, pourquoi pas. Ça te hype? Pas tant que ça, mais pourquoi pas. Pourtant, t'avais bien aimé les voir en concert. Ouais. Tu t'en souviens, ça? Ouais, ça, je m'en souviens, ouais. Bah oui, on peut que se souvenir d'un concert de Rammstein. Killwitch Engage, beaucoup moins, quand même. Hein. Parce qu'il faisait soleil, c'est pour ça. Alors... Pour Killwitch Engage? Oui. Ah ouais, bah c'est ça. J'avais le soleil dans les yeux, j'avais pas mon parapluie. My umbrella. Oh, mais quel accent! T'as travaillé les langues, toi, pendant les vacances. Ouais. Ça se voit. Langue de bœuf. Est-ce que tu peux arrêter ta lecture et reprendre le fil du podcast? Je suis en train de lire un truc sur Olivier de Clisson. Je sais bien, et je connais ta grande passion. Basilique Notre-Dame du Roncier Jocelyn, Morbihan. Tu sais qu'il est né au mois d'avril? Et en avril? Ne te découvre pas d'un fil? Ouh, d'accord. Je connais mes classiques. Une triste nouvelle. Putain, mais tu vas tout faire comme ça. Une séparation d'un groupe que personne ne connaît. Attends, tu l'as lu la nuit? Ouais, je l'ai lu. Parce qu'elle est drôle, attends, ouais, c'est ouais. Connu. Witchrot, hein, je pense que ça se prononce comme ça. Ou Witchro. Hein. C'est un rot de sorcière. Hein. Peut-être. Non, bon. Ça serait très drôle. Un band de Toronto, Canada. Oui, c'est vrai. Pour situer. Dans un communiqué devenu viral sur les médiatiques réseaux. Donc voici le communiqué. En raison de la triste réalité, celle de notre guitariste qui baise mon ami depuis 7 ans, Witchrot va prendre une pause prolongée. Cependant, je continuerai le groupe dans un autre espace, et dans un autre temps. Étant mûr de haine, la musique coule lentement et deviendra sans aucun doute la musique la plus dévastatrice et tortureuse, carrément, tortureuse, hein, que j'ai jamais créée. Merci pour le soutien, restez lourd, Peter. Et il ajoute après... Notre batteur est mort aussi. PS, notre batteur est mort. Voilà, la photo qui accompagne ce poste est une guitare, fracassée et jetée aux ordures. Une bien, bien triste nouvelle. Il est vrai, mais très drôle quand même. Oui, effectivement. Alors, qui est Witchrot été... Ah non, mais ils sont inconnus. Ils avaient genre moins de 3 chiffres à leur compteur de likes avant le post, mais c'est devenu viral, donc ils ont pris en gamme. Merde. Bah oui. T'es con, ils se séparent et les mecs ils sont connus au moment où ils se séparent. C'est ça qui est drôle. Ouais, c'est dommage. Bon, allez, je l'attente. Batushka. On avait déjà évoqué ici, je crois. Bah, Batushka, ils sont passés l'année dernière, donc du coup, on a. Écoutez, c'était moi, je crois, qui avait écouté. Oui, et à l'époque, on n'avait aucune identité des membres. C'est ça. Maintenant, c'est fait, apparemment. Oui, bah... Ouf. Non, mais on avait déjà annoncé la première partie de la news. Ah. Tu t'en souviens pas? Si, vaguement. Ah ouais, samedi. Donc, le groupe polonais Batushka a annoncé se séparer de son chanteur principal, Bartomiel Glibel. Il ne sera pas présent sur le nouvel album du groupe intitulé... prévu en 2019 via Metal Blade Records. Ok, alors, je suis d'accord pour le nom, je l'ai mal lu, mais alors le nom de l'album, je peux pas le lire. Ça, c'est pas possible. Bah, c'est vraiment une gare. Putain, mais tu connais pas Google Trad, bordel. Je fais un effort pour m'aider. Voici le communiqué. Je dois faire une annonce importante. J'ai décidé de me séparer du chanteur de Batushka, Bartolomiej Krzyzewski, en raison d'un comportement inapproprié. Il y a eu des tentatives d'appropriation de Batushka. En résulte le fait qu'il ne fera plus partie du projet et qu'il ne figurera pas sur le prochain album. Alors, le problème... Ah oui, d'accord, mais c'est pas cette news-là que moi j'ai vue. Ah. Ah oui, ici, c'est bon. Dans une vidéo ci-dessous, alors, c'est très radiophonique et le pire, c'est qu'il n'y a pas la vidéo. Ouais. Donc, oh là là, dans une vidéo, dans quelque, une vidéo part, quelque part, elle est trouvable sur YouTube. Krzysztof Drabikowski, qui affirme être le leader et créateur de Batushka, déclare ne plus être en mesure d'accéder aux réseaux sociaux de son propre groupe à cause de son ex-chanteur et que ce dernier aurait même déposé la marque Batushka dans son dos. Christophe Derdrowski explique également que Bartholomew Gottlieb comptera sortir le prochain disque de Batushka sans lui et avec d'autres musiciens. Et moi, j'avais lu, y compris son fils. Donc, je pense, et je sais que donc, Christophe, il a porté plainte et approché un avocat pour essayer de démêler les choses. Donc, il n'est pas, de ce que j'ai appris, donc Christophe, lui, il a déjà fait donc, le deuxième album, il est prêt. Et l'autre qui a volé plus ou moins les comptes, lui, il a écrit un autre album. D'accord. Donc il pourrait y avoir deux albums de Batushka cette année. Ouais. Mais avec pas les mêmes genres dedans. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est assez marrant parce que Batushka est un groupe qui a énormément fait parler de lui assez rapidement. Hmm. Alors, peut-être à cause de leur côté scénique et personne ne montre qui sont, tout ça. Enfin bref, ouais. Ça a vachement bien marché. Et là, ça va encore faire parler de lui, mais pour une toute autre raison. Voilà, c'était les news. Voilà. Voilà. On passe au News Hellfest. Ah bon? Bah oui. C'est parce... Ah, moi, c'est le générique. Ah, c'est. Ah, il te... bah, pas mal, hein? Bah, c'est ça? Mmh, ouais. On passe au News Hellfest. Ah bon? Ah, c'est pas mal. On devrait les enregistrer. Ouais, ce serait plus simple. Donc, annoncé ce matin même sur la page face du Buc du Hellfest, c'est le retour du prix Hellfest Inferno. Quand est-ce que c'est que le prix Hellfest Inferno, Bob? De mémoire, parce que je vais pas retrouver comme ça. Donc de mémoire, si je me trompe pas, du 6 janvier au 6 mars. Alors attends, j'essaye de me rappeler. Je crois que c'est du 6 janvier au 6 mars qu'on peut voter pour notre livre préféré. Et si je me trompe pas, je crois qu'on peut gagner normalement un pass 3 jours pour le Hellfest 2019. Ah, c'est ça? Ouais, c'est ça. Putain, mais c'est fou! Donc après, ça récompense, le Inferno, ça récompense en fait la littérature, hein, tout simplement. Hein, voilà. Toute la Donc, littérature. toute la littérature. Donc, Ouais. en fait, tu as plusieurs nominés, hein, bien sûr. Voilà. Comme Paul Bourne, Michael Johnson, genre de personnages, tu vois. Voilà. Donc, bon, il y a plusieurs bouquins. Hein, mais de toute façon, allez sur le lien. Hein, ce sera plus simple. C'est vrai. Donc, voilà. Et vous pouvez voter, hein, pour le bouquin qui vous sciera le plus. Hein. Et t'as une très très bonne mémoire. Est-ce que Ouais, tu me tu vois. permets d'ajouter deux, trois choses? Vas-y. Raymond S. Fest. Bah, tiens. Donc c'est en fait c'est E-Fest. une nouvelle fois les éditions Bragelonne ou Bragelonne qui s'associent au Hellfest pour donc ce prix, Tout qui à sert fait. donc à récompenser un auteur de science-fiction fantastique, enfin plus fantastique que science-fiction d'ailleurs. Et c'est là où on peut retrouver donc les six nominés, comme tu l'as très bien dit. Merci. Et donc, à savoir que sur la page des votes, on peut d'un côté en savoir plus sur chaque livre et auteur, et de l'autre lire un extrait pour vraiment avoir un avis sincère, parce qu'il y a après des champs à remplir, on vote et on tente sa chance pour gagner un passe 3 jours. Donc, juste parce que c'est sympa de les citer, donc comme tu l'as commencé à le citer, Paul Blorn pour Calame, Michael Johnson pour L'Empire des Soleries, Ed McDonald pour Black Wind, alors là, James Lovegrove pour Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell, les dossiers de Cthulhu. Alors lui, je peux aller te chercher son truc. Gyle Z. Martin pour Les Rois Déchus, Raymond E. Feist pour Le Roi des Cendres. Quelle idée à la con j'ai eu de vouloir tous les citer. T'as dit Ed McDonald, non, Ouais, je l'ai dit, ouais. Donc voilà, ça se passera entre ces trois-là. Et de mémoire aussi, le gagnant sera à l'Extreme Market. En tout cas, le livre, il sera. ouais. Le livre récompensé, il sera. Et les éditions Bragelonne, ils seront aussi. De mémoire, là, pour le coup. Ok. Voilà, une news fortement. Ah bah là, on est... Eh, Hein? on est taquée, hein. Bah complètement. News suivante, je m'en occupe, si ça te dérange pas. Ah, mais vas-y, fais donc. Hier, à Non. savoir... Si, si, c'était hier. À savoir lundi 7 janvier, soit hier... Une news est tombée sur la page du Hellfest, encore, hein, vraiment une pluie incessante de news. À savoir qu'on peut, si les gens le souhaitent, créer l'hymne officiel de l'équipe de hockey, les Corsaires de Nantes, et venez jouer pendant le Hellfest. Donc c'est gagnant-gagnant. Alors, comment ça se passe? L'équipe de hockey, les Corsaires de Nantes, cherche son hymne et vous propose de le créer. Le concours se fait en partenariat avec le Hellfest. Entre parenthèses, Festival de musique extrême, Ah ouais, tu vois. qui est un des partenaires majeurs du club. Les phases du concours se déroulent ainsi. Du 3 janvier au 21 janvier, soit 3 semaines, envoi de votre création musicale. Du 22 janvier au 1er février, 10 jours, vote du public via le Bling Rating. Du 2 janvier au 7 février, soit 1 semaine, envoi d'une vidéo live pour le top 30 du public. Donc ça va être un peu compliqué, cette histoire. À mon avis, ils ont dû se tromper. Ça doit être du 2 février au 7 février. Du 8 février au 14 février, délibération, 15 février, annonce du gagnant. Le style musical recherché, metal, punk, rock, celtic punk. Est-ce que tu te sens de le faire? C'est parti. Parti, go. Récompense pour les gagnants. La musique devient l'hymne officiel des Corsaires de Nantes avec signature chez Soundvibes. Le groupe est invité à jouer lors du match Hellfest le 23 février 2019 à Nantes. Le groupe est invité à jouer au Hellfest sur la Hell Stage, donc qui se trouve au Hell City Square, du 21 juin au 23 juin 2019 à Clisson. Sans déconner, c'est plutôt stylé comme. Je trouve aussi, ouais. En plus, c'est plutôt sympa de créer un hymne et tout ça, donc Ouais. c'est pas mal. Et as-tu vu qui était le jury? J'ai pas vu qui était le jury. Eh ben écoute, je te laisse le lire. Ah ouais? Attends, parce que moi j'ai pas tout de. C'est marqué à lire la suite. Ah ouais! Il y a Daniel Babka, donc le coach de l'équipe de hockey, les Corsaires de Nantes. Johan Lenevé, cofondateur du Hellfest. Elle a mis un frère. Derek Green, chanteur de Sepultura. Alain Vérave, directeur marketing d'Epitaph Records. Putain, rien que ça. Billy Graziadier, guitariste de Biohazard, Powerflow et Billy Bio. Roy Lozano, guitariste de Danced, Powerflow et Gutthroat. Alors, t'es pas belle la vie. Rien que ça. T'as vu, tu te rends compte. Les gars, vous chiez pas dessus. Ouais, grave. Et en plus, ça va, le jury, c'est pas n'importe qui, quoi. Bah, ça va, ouais. Non, je trouve ça complètement stylé, quoi. Ouais, bien joué. Ouais, ouais. Donc, n'hésitez pas, hein, faites-le. Putain, t'as le sens de l'encouragement. Non, alors, en vrai, ça fait encore partie des espèces de suivi que le Hellfest a de proposer des nouvelles choses, et franchement, c'est sympa. Ouais. Peux-tu nous faire la news suivante, s'il te plaît, mon petit Bob? Tu crois? Ou Bobby, comme j'aime à l'appeler, dès que le micro est éteint. Et la lumière aussi. Oh, oh, non, raconte pas trop. Manowar, ou Manowar, comme j'aime à l'appeler, est fier de nous présenter leur nouveau guitariste, Evie Mortier, qui remplacera Carl Logan. Pourquoi? On ne sait pas. Bah si, pas on plus sait. De... Bon, ben voilà, on le sait, forcément. Sur le Final Battle World Tour 2019. Et pourquoi donc est-il pas là, Carl Logan? Bah, je sais pas, il a pas eu des problèmes gastriques. Non? T'as oublié? Ben non, j'ai pas oublié, ah bon. C'est l'histoire de... Hein? Mais il a le même travail que toi, en fait. C'est, ouais, c'est ça. Ouais, enfin, sauf qu'on tourne pas tous pareil. Hein. Moi, je sais me détacher de tout ça. J'emmène pas de travail à la maison. Evie Mortier a fait ses preuves de nombreuses années en performant dans le Tribute Band officiel de Manowar et maîtrise la discographie intégrale du groupe depuis de nombreuses années, mélangeant le style de toutes les guitaristes et virtuoses des différentes époques. T'allais dire quelque chose? C'est un copier-coller, moi j'ai pas. Ah oui, pardon. Je ne peux penser à personne plus méritante de jouer avec Manowar qu'un fan lui-même. Un qui a consacré toute sa vie à nos fans, d'accord, et à notre musique, et qui s'est révélé être un vrai Manowarrior, a déclaré Joe Di Maio. 6 juin, le communiqué et témoignage de Evie Mortier ci-dessous. Je suis honoré, au-delà des mots, pour jouer pour les plus grands fans du monde, a déclaré Evie. Je ne comprends rien de ce que je suis en train de dire. Du monde, a déclaré Evie. Je vis le message de Manowar tous les jours de ma vie. D'accord. Le message, c'est... Oui, bah... Bien sûr. De Manowar global. C'est ça, ouais. Croyez-en vous, et même vos rêves les plus fous peuvent devenir réalité. Non, mais je suis d'accord. C'est beau. Dès demain, je vais mettre un taquet à la secrétaire parce que ce qu'elle a fait, c'est n'importe quoi. Bah ouais, franchement. Elle se rend pas compte. Je pense qu'à mon avis, il s'est passé quelque chose pendant les vacances. Non, mais... Et du coup. Non, mais bon, elle a pas été payée, c'est vrai, mais c'est pas forcément une raison pour saccager le boulot comme ça, quoi. Ouais. C'est pas elle qui a perdu sa mère. Ça va. Est-ce qu'elle l'aimait déjà? Je crois pas, non. Apparemment, elles étaient brouillées pour l'histoire de. Je sais plus. Le cadeau de Noël. Ouais, c'est ça. Quoi, ouais. Bref. Petite cuillère qu'elle a reçue. À noter. À noter que Manowar propose à ses fans européens une offre de meet and greet. Ultimate Fan Experience Upgrade. Alors, par contre, je voulais aller me renseigner, je ne l'ai pas fait, de savoir si ça marchait aussi sur le Hellfest. Pour le Hellfest, ouais. Peut-être, je sais pas. Peut-être, on ira se renseigner. Oui. Comme ça fera quelque chose. Tiffany, d'ailleurs, ira se renseigner. Ah oui, quand même. C'est un problème, on lui en achète des petites cuillères, je veux dire, pas nous casser les couilles. Bah, c'est ça. Ok, bon, de toute manière, elle en aura plus de sa mère maintenant. Alors, le Hellfest a été élu meilleur événement métal de 2018 par Metal Injection. Ou Metal Injection, comme je le prononce. Voilà. Donc, ils ont posté ça sur leur page le 31 décembre. Ouais. Et du coup, c'est pas très surprenant. Hein. Moi, j'y étais, c'était vachement bien. Ah ouais? Ouais. Ouais, pareil. J'ai trouvé que c'était vachement bien. Ouais. Et si on m'avait demandé, c'est quoi le meilleur événement métal de 2018? C'est le seul que j'ai fait, donc j'aurais dit que c'était celui-là. Mmh, ouais. Pareil aussi. Hein. À peu près. Hein. Ouais. Ça tombe à peu près pareil en plus, toi. C'était en juin. Comme toi? Ouais, quasi. Ouais. Bah, j'aurais dit la même chose, moi. Écoute, très bien. Alors, le 19 décembre, la page Facebook du festival a partagé la vidéo de Muse Inc., la chaîne qui décortique le rock, une vidéo intitulée Hellstat, les statistiques du Hellfest 2019. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ce genre de vidéo. Et qu'apprenons-nous dans cette vidéo, me demandes-tu ? Qu'apprenons-nous donc dans cette vidéo ? Alors, en fait, à la base, je voulais revoir bien la vidéo et noter toutes les statistiques pertinentes ou intéressantes et qu'on en discute. Du coup, je ne l'ai pas fait. C'est parce que j'ai fait trop de jeux vidéo. C'est vrai. Mais la question n'est pas là. Tu vois ? Non, mais du coup, le seul truc que j'ai vu, et je reviendrai dessus sûrement la semaine prochaine, c'est que les faits intéressants, c'est les groupes. Il parle au début, on reproche souvent au Hellfest de faire venir que des groupes anciens. Et là, lui, dans la vidéo, il explique qu'il y a quand même un groupe, plusieurs groupes, cinq groupes de 2010 qui se sont construits en 2018 et un qui s'est même en 2019. Ouais. Et en fait, moi, j'avais un point par rapport à ça, c'était de me demander, mais comment tu fais une programmation avec des groupes qui n'ont rien ? Comment tu décides, en fait ? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Comme Ultimas, par exemple. Voilà, donc je pense que ça, on essaye de décortiquer la vidéo pour la semaine prochaine, d'en ressortir deux, trois trucs, et de voir... parce qu'ils disent... lui, il a bien précisé qu'il y avait un seul groupe qui n'avait pas sorti d'album, qui allait sortir son premier album en 2019, disant que c'était Last Temptation. J'ai été me renseigner, c'est vrai, mais c'est pas le seul. Ah non, parce qu'il y a Ultimas aussi. Bah, il y a aussi Deadland Ritual aussi. Ouais. Donc voilà, mais okay. Donc on ira décortiquer ça un petit tout peu. Tout à fait. Alors, on va passer maintenant à la rubrique des albums sortis. Alors, album sorti. Qu'est-ce que toi t'as vu comme album sorti ? Bah, il y a pas l'album de John Garcia qui est sorti il y a peu. Moi, je dirais qu'il sort vendredi. Ouais. Moi, de mémoire. Parce que j'écoute tellement de choses en ce moment que... Et puis ça passe comme de dire. John Garcia de Band of Gold ? Ouais, si, il est sorti. Non, mais oh, c'est pas moi le fan de John Garcia. Ah bah écoute, attends. Oh. Non, mais oh. Bon, alors, je l'ai écouté. Bon, bah, on ira... Pas entier, il est pas mal. Tu l'as écouté ? Pas entier. Mais donc, tu savais qu'il était sorti, alors ? Bah, ouais, mais après, je sais plus quand. Est-ce que c'est vendredi dernier ou est-ce que c'est vendredi avant ? Et ça change quoi ? Mais il est sorti, c'est le principal. Putain, mais... D'accord, et bah tu veux en parler maintenant ? Non, parce qu'il faut que je l'écoute bien, posé précisément. C'est pas évident hein, pour ma part d'écouter de la musique, parce que au boulot je ne peux pas, et en rentrant je ne peux pas trop non plus. Pourquoi tu peux pas au boulot ? Bah parce qu'on a besoin de moi au boulot. Ouais, mais tu peux pas avoir une oreillette Non, je peux pas. Et à la maison, t'as ton casque sans fil ? Ouais. Mais on est toujours en train de me... Donc je suis tout le temps en train de l'enlever. Du coup, j'écoute la musique, pas avec parcimonie parce que je suis tout seul, mais je l'écoute un peu mal. Et du coup, ça me gêne, ça me frustre. Mais pourquoi tu comprends ? Mais pourquoi tu fais pas un entre-deux ? Moi, j'ai toujours un entre-deux. Ah ouais ? Ouais. Ah d'accord. Et des fois, je dis quoi ? Ouais, c'est ça. Mais oui, bah, au bout d'un... Mais tu sais, au bout d'un moment... Je dis souvent, quoi. Mais au bout d'un moment, quand ils vont voir que tu réponds pas, ils vont arrêter de te parler. Ah, c'est des tenaces, tu les connais mal. Ah non, mais après, bon. Bah oui, donc c'est dommage. Bah d'accord, ouais. Donc on se le met pour la semaine prochaine. C'est genre, faut que je programme, tu vois. Mais comment tu peux programmer ? Tu peux faire ça. Donc ça, c'est des moments. Ah, c'est vrai qu'on a déjà eu cette discussion et ce débat. Ouais. Et je suis toujours. Toi, t'as besoin d'être posé, quoi. Ouais. Moi, j'ai besoin de faire autre chose. Bah, pas moi. Moi, j'aime bien écouter la musique tranquille. Pour bien écouter, tout simplement. Je peux pas tout faire quand j'écoute de la musique, mais en général, j'aime bien être occupé à quelque chose qui nécessite aucune chose au niveau réflexion, quoi que ce soit, pour être libéré. Mais si je suis... En fait, j'aurais... Ouais, tu peux faire des choses mécaniques, mais pas... Voilà. Ouais. Parce que, par exemple, je peux pas jouer à un jeu vidéo et écouter de la musique. Je sais pas, Non, parce que c'est trop demandé. Ouais. Mon cerveau, il peut pas suivre... Non, mais c'est... Oui, enfin, c'est normal. Hein. Mais par contre, des trucs à la con, je sais pas... ranger des machins, faire la vaisselle, ranger... Ah oui, ça, oui, forcément. Oui. Mais du coup, ça, justement, j'aime bien parce que je suis physiquement occupé et mon esprit est libre pour la musique. Ouais. Alors que si je me pose pour écouter, j'aurais tendance à penser à trop d'autres choses et pas à me concentrer sur la musique. Ouais, mais toi, t'es un anxieux, toi. Pas du tout. Pourquoi tu dis des trucs comme ça ? D'accord, donc, pour la semaine prochaine... Un petit John Garcia. Et il y aura je ne sais pas aussi le Melancholine s'il sort, j'ai pas vu. Il doit sortir bientôt, effectivement. Ouais. J'avais un doute sur sur ta passion du groupe. Et il doit y avoir le nouveau Soilwork aussi qui va sortir. Ouais. Après, il y en a d'autres parce qu'on en avait... Il y en a forcément plein. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a, je vais être honnête, j'ai un peu zappé pendant les vacances. Là. Ouais, mais Mélancolin, j'arrive pas à l'écrire. Mi. M-I. M-I. De Z-L-E-N. Z-L-E-N. Ah oui, je l'ai là. Non. Il y a que deux titres de sortie pour l'instant. Ouais. C'est toi qui m'avais dit d'écouter ça. Hein. Pourquoi, je ne sais plus. Il passait pas au LCT Square ou... Non. Et tu m'avais dit d'écouter, ce que j'avais écouté. La pochette bleue, ça me dit quelque chose. Pourquoi je t'avais dit d'écouter ? S'ils sont pas passés l'année dernière, Wolfest. J'en sais rien. Écoute, tu m'as dit des choses, on s'est parlé. Ouais, c'est ça. C'était pas toi ? Ah, c'est mon autre podcast sur... Ah, c'est ça. Sur le spécial Mélancolin. Un podcast c'est sur Mélancolin. Donc voilà. Bon, on vous tiendra au courant. Voilà. Des trucs ou pas. Vous ça le verrez. Bien, c'est tôt. Voilà. Je te propose de commencer les chroniques. Tu crois ? Bah écoute... Ça fait que 35 minutes qu'on enregistre, donc faut y aller. Bah ça va. Ça va. De manière petite tout émission, petite rentrée. Tout à fait. Je tape. C'est ce qu'on m'entend. J'adore ces petits moments de flottement. Et un diable passe. Non mais hésite bah pas, écoute, c'est... je vais m'en remettre à lire le truc sur Olivier de Clisson. Mais non, mais c'est à toi de commencer, je t'ai dit. Ah bah, faut que je t'écoute. Ah oui, bah oui. C'est comme la musique en fait, faut qu'on soit focalisé sur toi. Ah bah, faut qu'on soit, ouais, sinon tu peux faire la vaisselle si tu veux. Ah, parfait. Bon, attends, bouge pas. Bah, j'ai rangé un peu parce que... C'est un peu le bordel. Vas-y. Alors, donc, mon premier groupe, moi j'avais Bliss of Flesh. C'est vrai. You know Bliss of Flesh ? It's a French black metal death group. Black metal ? Ouais. D'accord. Ouais. Bah, j'aurais vraiment plus dit death. Death que... metal. Ouais. Ouais, ouais, bah écoute. J'ai pas beaucoup écouté. Donc, ouais. C'est pour ça que je fais ah bon. Donc French Black Death Metal. Très bien. Voilà. From Calais, l'autre pays du camping. D'accord. Pas mieux. Ils ont 3 albums. Ouais. Voilà. Emaciated Deity de 2009. BT Pauperous Spiritu de 2013. Mm-hmm. Et le dernier, Empyrean de 2017. Très bien. Voilà. C'est un black metal. Tout ce qu'il y a de plus... ouais, moi, je pense que c'est black metal quand même. Parce que de ce que j'en ai écouté, c'est vrai qu'il y a deux voix, en fait. Et ça donne vraiment... Parce que j'ai marqué Bliss of Flesh. Bliss of Flesh est un black metal sombre. Si je devais résumer mon écoute de Bliss of Flesh, je dirais Deep in the Dark Hole. Carrément. Voilà. Ça t'emmène vraiment dans des abysses très, très, très dark, très sombres, très... Ouh, dis donc. Tu vois. Et ce côté, justement, t'as la voix qui est plus death, qui est plus prononcée, mm-hmm. qui chante quasiment en permanence, mais derrière, t'as cette petite voix très aiguë, un peu à la Danny Fields, tu sais, qui est... Là, du coup, ouais, j'ai pas du tout... Mais qui est en arrière-plan. Et du coup, ça te donne un truc vraiment très, très dark et très, très sombre. Ouais, je suis d'accord. Et sur le c'est vraiment sur le. C'est là que oui, tu peux vraiment voir que c'est du black metal, death metal. Enfin, donc, je dirais plus, c'est du black quand même. Donc, ça reste du black metal intéressant alors, parce que ça propose un peu une variante. Intéressant, oui, dans le sens où, alors bizarrement, ce que les premiers que j'ai écoutés, genre, oh non, encore black metal, machin, truc, je suis pas un gros fan, mais ils ont des morceaux assez, assez mélodieux et plutôt agréables à écouter. Donc, du coup, c'est des Français, donc voilà, ils ont. Comme on disait la dernière fois. Cocorico. Cocorico, effectivement. Bonne année. Salut les gars. Genre. Ouais, non, donc ouais, c'est... Alors voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vais lire sur un truc sur Olivier de Clisson. Non, mais voilà, toi, t'as trouvé ça bien... Intéressant. Intéressant. Ouais, ouais. Avec envie de t'y replonger un petit peu. Pourquoi pas. Ouais. Écouter les albums, du coup, voir ce que t'as écouté que ça des morceaux par-ci de là. Par-ci de là, ouais. J'ai écouté la compile de ce la que playlist. T'as fait, la playlist. Ouais. Voilà, de la compile, putain. Ouais, bah, en cassette, tu m'as fait une compile. Ouais, je t'ai fait une cassette en cassette, H8, parce que je suis un mec sympa. Donc. Voilà. Et du coup, mon bouton rewind était pété. Ouais. T'es obligé de tout écouter. Ah, tu rembobinais à la main. Ah, je rembobinais au stylo bic. Ouais, bah, d'accord. Donc voilà. Et ouais, non, non, très, très intéressant. Moi, donc, je pense que je vais écouter les trois albums pour voir si. Si tu trouves ton compte? Ouais. De D'accord. là de dire que j'irai les voir au Ah, Hellfest, voilà, ça c'était une de mes questions, ça, forcément. je dirais pourquoi pas s'il n'y a rien en face et que. On est, pour l'instant, on est quand même beaucoup sur des pourquoi pas. Ouais, Hein. ouais, ouais. Et s'il n'y a rien en face, ce qui est toujours un peu embêtant. Ouais. Après, ouais, ça peut être intéressant. Et je crois que pour l'instant, une de tes. Alors, tu m'arrêtes, hein. Tu m'arrêtes, tu n'hésites pas si je dis de la merde. Mais je crois qu'une de tes seules quasi-certitudes, ça serait Fever 333. Bah non, c'est toujours pareil, c'est que je suis pas sûr à 100% d'aller les voir. Ouais, mais t'as l'air plus motivé parce que là, t'es sur un pourquoi pas s'il n'y a personne en face. Fever, t'étais un peu plus. Ouais, je pense que j'irai. Ouais, c'est pour le côté complètement ouf des mecs, quoi. Ouais. Mais après, ça me parle plus forcément que le black metal, Ils donc. sont en interview dans le prochain Rockard. Tout à fait. Tu as vu? Oui. Très bien. T'as pas vu la petite vidéo? Alors, si, Je t'ai celle où tu m'as tagué? Ouais. tagué, j'ai pas regardé. J'ai vu que tu m'avais tagué, j'ai été voir et j'ai pas regardé parce que je suis vraiment totalement déconnecté de Facebook. Ah oui, d'accord. C'est Ouais. donc Bah, je je te pour ça que j'ai. l'enverrai par pigeon à la rigueur la Non, non, prochaine non, fois. non, mais il faut que j'y aille. Mais c'est vrai que j'ai même pas répondu d'ailleurs à part Simonie, son message. Ah oui, c'est ça. Donc non, Ouais. non, j'ai plein de messages en retard, plein de Non, mais trucs. au pire, oui, je te la ferai voir, je te la ferai sur papier. Oui? Je te l'enverrai par la poste, ce sera plus simple. Ouais, bah nickel, parce que je j'ouvre encore mon courrier par contre. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ou alors j'ai pensé effacer tout mon Facebook et garder que le côté Road to Hellfest, parce que vraiment je suis saoulé grave. Ah ouais? Mais oui, j'ai un problème avec les gens. Je t'en ai parlé ou pas? Ouais, vaguement, il y a quelques 35, Non, mais tu te 40 rends minutes. compte? Bohemian Rhapsody, meilleur film dramatique de l'année, mais ils sont Allez, tous dans allez, notre allez, gueule! c'est bon, Allez. c'est bon, c'est bon. Donc, autre chose à dire sur Bleach of Beast of Flesh? Flesh, autre chose à dire? Non, non, non, non, non, Est-ce que tu c'est. pourrais acheter un CD? Non. Non, quand même. Non, mais l'écouter sur Spotify, ouais, sans problème, ouais. D'accord. Ouais. Et au milieu d'une playlist? Ah bah au milieu d'une playlist, je dirais que ça passerait bizarrement. Je la verrais plus sur le côté gauche, moi. Ah oui, Ouais. d'accord. Par contre, au final, tu nous as pas trop parlé du groupe, en fait. Enfin, t'as fait. Bah le groupe, je peux pas trop te dire, quoi. Il n'y a pas T'as pas réellement beaucoup de. Il d'infos? n'y a pas beaucoup d'infos. Ah là Donc là, après, je c'est te dis, c'est un groupe problématique, ça. français de C'est Calais. très bien, c'est très. Écoute. Voilà. C'est déjà pas mal, trois albums. Après, leur vie. Bah, ils en parlent pas trop en général, ces mecs-là. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Alors ça, je ne sais pas. Je pourrais pas te dire. Un chien, peut-être. Ah. Ah, je sais pas. Ils sont pas trop animaux, les mecs qui écoutent du black metal. Voire chat, peut-être. Ils En ce peuvent moment, être c'est assez dark, très hein. très très animaux. Ouais. Perruche, tout ça, non? Non, pour manger, pour. Ouais, c'est ça. Mais. Cru, c'est ça. Ouais. Fort. Et ils jouent Alors ça, je ne sais. Je me suis dit, tiens, faut que je le note, et du coup, je ne l'ai pas noté. Donc je sais que toi, Jack, tu vas nous le rappeler volontiers, avec un grand plaisir. alors là, hey, c'est marrant que tu me dises ça parce que justement, moi, s'il y a quelque chose que j'aime faire, C'est faire plaisir. c'est exactement ça. Voilà, parler avec les gens de cinéma, tout Beaucoup, ça. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. J'aime débattre. Ouais, Voilà, c'est j'aime ça. les échanges, j'aime Ouais. débattre, j'aime passer du temps à essayer d'écouter ce que les gens aiment, pourquoi ils les aiment et Voilà. pourquoi la majorité du temps c'est tous des gros Parce connards. que la plupart du temps, les gens ne savent pas argumenter sur pourquoi ils aiment les choses. Donc, Oh. non, c'était joli, c'était bien dit. Hein. Je suis en train de chercher hein, quand passe ton groupe. Bah, on va dire entre Temple et Altar. Bah, c'est ce que je regarde. Hein. Mais ils peuvent très bien nous faire un main stage le matin. Hein. Ouais, ou l'après-midi plus, Mais non, début mais tu sais, d'après-midi. non, mais en général, ils sont pas forcément. Ah, Bliss of Flesh, Temple. Et ils passent le dimanche. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Mais sûrement dans les premiers groupes. Tout à fait. Très. Eh ben, je passe à mon premier groupe. Oui, si tu veux, oui. Donc, je vais passer à Irgal, avec un H devant le Y. D'accord. Je ne sais pas si c'est utile de le dire, mais Non, pas du qui tout. passe également au temple le dimanche. D'accord. Voilà. Donc, je tiens à préciser que j'avais une interview que je devais lire. J'ai manqué de temps. Ah. Voilà. Donc, je m'excuse. J'irai la lire. Si elle apporte des choses pertinentes, je reviendrai vers vous faire une mise à jour. De la Un même truc manière que je devrais faire aussi, moi. noter Voilà, c'est ça, pour la noter mise. les choses. Parce Voilà. qu'il y a un truc C'est, que oui. je n'ai jamais fait. C'est réécouter tout ce que tu as dit que tu allais réécouter. Pas que. C'est-à-dire. Bah, il y a plein de trucs que je disais, ouais, j'irai voir. Eh ben oui. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai pas noté. Donc Et là, du tu coup. marques vidéo Hellstate. Elle voilà. Stat pour aller la voir et après la décortiquer un petit peu. C'est ça. Tu la décortiques de ton côté, je le fais du mien. Ouais. Et on échange. Tout à fait. Et chacun lit celle de l'autre. Et ouh, c'est trop mignon. Ça va être sympa. Écoutez les trois albums de la Flèche. Bliss of Flèche. Bliss of Flèche. Du coup, je commence mon truc sur Irgal. Oui, vas-y, vas-y, Jonathan. Donc, Irgal fut fondé en 2007 par le guitariste-chanteur Clément Flandroy. Donc, il a fait partie de plusieurs groupes. Alors, je vais peut-être pas faire tous les noms parce que sinon, ça va être même dropant un peu beaucoup. Avec l'aide de Quentin Alberne, parce qu'en fait, là, ils ont tous, entre parenthèses, chacun au moins trois groupes. Hein, donc, c'est pour ça que... C'est un groupe français ? Oui. Ah, d'accord. Ben, Cocorico, non. Alors. Cocorico ! Ah, bonne année ! Bonne année ! Salut les gars. Donc Quentin à la basse et Thibaut Meunier à la batterie. Le groupe sort sa première démo sous forme de split album avec Cairn, un projet acoustique de l'ancien guitariste d'Ortagos. Ah mais ouais ! Il y a énormément de... En fait, je pense qu'il y a vraiment un milieu underground de la musique que ni toi ni moi on connaît. Ça dépend où ? Bah celui-là. Et où les gens font partie de 4-5 groupes différents et donc font des splits de machins, de trucs, et que au final c'est un peu difficile de savoir quelle est la formation principale de... Alors pour Clément, c'est Irgal, voilà, je le dis. Ouais. Très bien. Alors la formation ouvrira entre autres pour des lives de Wolf in the Throne Room, Year of the Night et Otargos. Donc, je rappelle l'ancien guitariste Otargos avec qui ils ont fait un split, tout ça. Le groupe sera mis en stand-by en 2010 pour des raisons personnelles et Clément intégrera Svartkron à plein temps. Tu suis ? Ah oui, oui, oui. Non, c'est important sûr. Parce que si tu n'arrives pas à suivre là, tu ne pourras pas suivre tout à l'heure sur The Obsessed. Sérieux ? Ah là là là là. Oh, en 2016, donc quand même il a pris le temps, Clément décide de reformer le groupe avec un nouveau batteur dont il s'était rapproché depuis 2012, à savoir Emmanuel Zuccaro. Malheureusement. Et toujours Quentin à la basse. Malheureusement. Emmanuel a quitté le groupe le 26 décembre dernier. Et Quentin, lui, le 15 octobre dernier. Oh merde! Ouais, ouais, ouais. Donc la version intégrale de leur album Serpentine a ensuite été enregistrée en Do It Yourself au Southern Ritual Studio en décembre 2016 et janvier 2017. Le mixage et le mastering ont été réalisés par Deha au studio HH en mai 2017. Serpentine est le premier album du groupe de black metal français Irgal. Ouais, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Bah, je m'en doutais. Ouais. Alors, il est défini comme tel. Païen, organique et personnel, profondément dédié aux racines et aux expressions anciennes de l'art sombre, l'esprit alpin et le folklore hérité du passé français sont les principales influences de cet album. Mmh, je crois voir à peu près, ouais. En marge de cette nouvelle ère d'expérience musicale et de ce monde moderne. Et bien sûr, c'est un groupe qui fait partie des Acteurs de l'Ombre. Ah oui, d'accord. D'accord, tu visualises ? Donc, qu'est-ce que j'en ai dit, pensé ? Donc, c'est du black metal vraiment... Alors, je sais pas dire, j'aime pas dire le terme classique. C'est du black metal comme on l'imagine. Voilà. Trou ? Ouais, trou, mais je suis pas... Pour le coup, je suis ni toi ni moi assez connaisseur pour vraiment dire trou black metal, tu vois. Parce que ouais, ça, ouais, les gens, ouais. Par contre, ce qui est assez... Donc, quelque part, le genre de black metal qui nous ferait partir dans l'autre sens, en général. Ah, merde. Bah, c'est pas... Vers le côté obscur ? Non, vers la lumière plutôt, justement. Ah merde, tu vois, d'accord. Non, en fait, c'est j'ai été surpris à l'écoute, moi, de l'album, parce qu'il y a une intro qui est que musicale et je l'ai trouvé super sympa, agréable à écouter. Ouais, mais elle est pas du tout black metal, c'est une intro, oui, ouais, vraiment. Et après, l'album en lui-même, il est passé, mais comme ça, il chante en français. Donc, ah ouais, ouais, musicalement, ça reste pas ma came, mais ça reste pas pour moi. En fait, j'ai l'impression de ce que, parce que j'étais en train de faire mon footing pendant que j'écoutais. Étonnamment, du black metal pendant le footing, ça passe très bien. Ouais. Je veux dire, je me suis pas arrêté forcément à certains trucs parce que c'était vraiment du black metal en mode black metal. Donc ça m'a pas touché en me disant ah, c'est trop bien ce que je suis en train d'écouter, mais j'étais plus en train de me dire je vois ce qu'ils font, je vois où ils vont et à qui ça s'adresse. Toutes mes excuses. Entrez. J'ai reçu un message. Comment j'ai pu recevoir un... Ah, c'est l'ordinateur qui a fait le bruit. C'est l'ordinateur, c'est pas mon... Oh putain. Bah, je... Ah, désolé. Bah voilà, ça fait quoi, allez, 45 minutes de foutu en l'air. Ah putain, faut recommencer. T'es obligé de tout effacer. Bon, on va recommencer. On va recommencer. Bon, en tout cas... ah oui, non. Je suis complètement... Je suis beaucoup plus pour le fond. que la forme. Ouais. Parce que je vois où ils vont, enfin ce qu'ils veulent faire et comment ça rend. C'est pas forcément pour moi, mais je suis pas du tout resté à l'écart du truc. Ça m'a pas déplu. Je pourrais réécouter comme ça. J'irais pas forcément directement me dire ah tiens, je mettrais bien, un petit peu l'album d'Irgal. Mais c'est clairement, si je suis un matin en train de me balader sur l'Hellfest et qu'il y a un autre, je pourrais aller jeter un œil, je pense. Ouais. Ouais. Et pas en me disant est-ce qu'il y a quelque chose en face, sauf c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, mais j'ai pas du tout, ça m'a pas du tout dérangé d'écouter. Bah, l'avantage de ces scènes-là, justement, c'est ça, quoi. C'est que tu passes vite devant, donc du coup. Ouais. Enfin, tu passes vite devant. Tu es vite arrivé. Quand tu passes la cathédrale, tu es vite arrivé. Oui. Bah, du coup, à la vallée, tu es vite arrivé à la temple et altar. Tu peux faire des découvertes. Du coup, ouais, les premiers trucs qui vont t'attirer, c'est forcément les trois premières tentes. Et tu peux tomber sur des trucs très sympas. Ouais. Non, mais là, en plus, c'est vraiment pour le côté. Tu sais, c'est vraiment comme si tu disais, c'est pas pour moi, je sais, ça va pas me plaire plus, mais ça me dérange pas. Ouais. Contrairement à d'autres trucs de black metal qui m'ont beaucoup plus dérangé à écouter. Ouais. Voilà. Y est compris. Mais je me sens de plus en plus ouvert au black metal, dans le sens essayer de comprendre le truc, en fait. Vraiment, ouais, plus en mode. Pardon ? La démarche. Oui, et de me dire qu'en fait, ne pas justement m'arrêter à ce que j'entends, et essayer d'aller un petit peu plus loin. Bah justement, est-ce que le black metal en lui-même a changé, a évolué, a s'agi peut-être est-ce que... Je pense que n'étant pas connaisseur, je vais dire vite des conneries. Donc, il y a beaucoup de groupes de black metal que j'ai eu l'occasion d'écouter à une certaine époque, dans les années 90, parce que j'avais des potes qui écoutaient beaucoup de black metal, ah oui, principalement black et death. Et moi, j'étais plus punk à l'époque. Et ouais, j'ai connu des groupes. Après, je vais dire des conneries. C'est pas black metal, death metal, j'en sais rien. Comme Morbid Angel, Marduk, Mayhem. Il y en avait beaucoup de groupes comme ça, assez connus ou pas connus. Mais voilà, il y avait ce côté musique que moi je découvrais totalement, que j'écoutais, mais que je n'appréciais pas forcément. Je l'écoutais, enfin je l'entendais. Voilà, je l'écoutais pas, je l'entendais. Donc du coup, et ça avait ce côté. Et je sais pas si maintenant, au fur et à mesure des années, maintenant 90, on est en 2019, est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau de... Ouais, ce serait intéressant de savoir, pour ma part. Du peu que je sais de ce que j'ai pu voir, ouais, il y a eu une évolution à plein de niveaux. Déjà parce qu'il y a eu beaucoup de groupes de black metal qui sont devenus beaucoup plus populaires et qui ont été mis sur le devant de la scène au même niveau que certains groupes beaucoup moins dits extrêmes. Et donc, ça a créé des groupes un peu plus mainstream, même dans le black metal. Ouais. Alors, je n'ai pas envie de citer Cradle of Filth parce que ils sont pas... Oui, il y a eu... Oui. C'est pas forcément que à ça que je pense. Mais en fait, moi, ce qui m'a toujours rebuté avec le black metal, c'est la musique en elle-même, quoi. Et aujourd'hui, je suis vachement plus vieux aussi, mais je suis capable de me dire comment et pourquoi ils ont voulu faire ça. J'ai dépassé le côté de me dire les mecs veulent faire un truc moche, c'est pas possible. Non, j'essaye de voir au-delà. Ouais. Et Irgal m'a montré le chemin et m'a ouvert une porte, mais il m'accompagne. Ouais. En même temps, je comprends où ils veulent aller et je vois ce qu'ils font sans que ce soit pour moi, mais c'est vachement plus intéressant en fait. C'est de ok, d'accord, donc qu'est-ce que tu me proposes, d'accord, c'est d'accord, tu fais ça, ok, tu vois, non, voilà. Ok, non, moi j'ai toujours ce souvenir aussi, quoi, des groupes de black metal qui posaient pour les posters de pages de Centrale, de Metalian ou de groupes de magazines de musique extrême comme ça, où les mecs posaient dans des forêts avec des glaives, avec le maquillage, peinture livrée ou plein de sang, avec des colliers à clous, des ceintures de balles et des machins. Est-ce que maintenant l'image du black metal est toujours la même, ou est-ce que elle s'est assagie et peut-être plus dans dire. Le côté... Mais comme on le dit depuis le début, s'il y a des gens qui écoutent... C'est ça qui m'intéresse, podcast. Justement, c'est un peu un lancement, un appel du pied que j'essaie de faire. S'il y a des gens qui sont fans de black metal et qui veulent échanger avec nous, n'hésitez pas. Nous, on demande à en savoir plus. De base, ce n'est pas notre style du tout de musique, mais on préférerait justement en savoir plus et savoir de quoi on parle, ou plutôt que de dire des conneries, et des gens... de manière, c'est un style qui reste populaire aujourd'hui et qui l'est toujours. Qui est maintenant très connu. Hein, voilà, qui n'est plus justement un truc de niche. Rappelle-toi les gens qu'on avait autour de nous au camping, ils ne ressemblaient pas du tout à des black metaleux, pourtant ils juraient que par ça. Donc, donc effectivement, ça a changé. Ouais. Et nous, ça ne nous parle pas, donc... ou beaucoup moins. Donc, viens discuter avec nous, on est sympa. Ouais. On paye une bière. Une. Ouais. Parce qu'après, il faut bien qu'il nous en reste. C'est ça. Donc, passerais-tu au... Au suivant ? Oui. Tout à fait. Alors, moi, j'avais Ultimas, justement. Ultimas ? Ouais, Ultimas. Donc c'est pas... un E, pas un... c'est un U, pardon, pas un V ? Ouais, c'est un U. Enfin, oui, oui. Enfin, moi, je lis ça comme un U à l'époque romaine. Donc un 5 ? Non, Ultimas. Hein, comme comme Ultimas. Mais quand tu tapes dans Spotify, par exemple, à quoi tu le trouves ? À Ultimas. Ah bon ? Ouais. Tu tapes Ultimas, tu vas le trouver à Ultimas. Ouais. Non ? Tu le trouves pas ? Bah, c'est... Regarde-moi, c'est en tapant V que je l'ai. Hein. Veltimas. Veltimas ? Bah, je sais pas. Bah, moi, je pense qu'à mon avis, le V, c'est pour le côté... Non, mais je comprends ce que tu... Romano. Je comprends ce que tu veux dire. Je... Donc, t'as... avec le seul titre connu à ce jour de Veltimas. Ouais. Tu le dirais comme ça ? Bah, ah, c'est une... Ouais. Alors, bah écoute, on va relancer... Ça te rappelle du pied. Le savez-vous ? Comment ? Veltimas ou Ultimas ? Moi, je vois plus le U, mais après... Ouais, mais ça veut dire quelque Ultimas chose. Et... comme... Moi, je voyais bien que ça ne veuille rien dire, justement. Ah ouais ? Bah ouais. Enfin, rien... Pardon, quand je dis rien dire, entre parenthèses, plutôt le côté qu'on n'a pas le sens directement, quoi. Ok. Attends, j'ai beau taper Veltimas, mais effectivement, ta lecture n'est pas forcément mauvaise, donc... Et quand... Que peux-tu nous dire sur le groupe ? Ultimas est un projet musical porté par, s'il vous plaît... David Vincent. David Vincent. Ouais. Il les a vus. C'est ça. À la basse et au chant, ex Morbid Angel. Le gratteux Rune Blasphemer Eriksen, ex Mayhem. Mm-hmm. Et le batteur Flo Mounier de Critopsy. Voilà. Donc, de ce que j'en ai lu, l'album sortira le 29 mars 2019. Mais en attendant, un titre du nom de Praevalidus, donc qui doit certainement vouloir dire vie primitive, un truc comme ça, je crois. Wow. Est dispo à l'écoute sur la page Road to Hellfest et uniquement sur la page Road to Hellfest. Ouais, tant qu'à faire. J'ai voulu le préciser. Oui, non, c'est bien, tu as raison. Hein, donc ne cherchez vous pas ne ailleurs. Le trouverez nulle part il ailleurs. Il n'est pas sur Spotify, voilà, il n'est pas sur YouTube. Il n'est même pas sur la page Facebook du groupe. De manière, non. Personne ne peut l'écrire. Ultimas. Voilà. C'est... Nous sachons. Voilà. Et donc alors, qu'en est-il de ce titre unique et intemporel quelque part ? Tu sens que c'est des mecs qui touchent. Ah ouais ? Ah bah, dès le début, hein, ça envoie. C'est direct, ça te met la gueule dedans, quoi. C'est, voilà. Ok, tiens, prends ça dans ta face. Dans quoi. Tes dents. Voilà. Tu sens que les mecs, c'est des pros, ils savent ce qu'ils font, quoi. C'est propre, c'est technique, carré, c'est... Voilà. Y a pas à dire, c'est du putain de bon son, c'est propre, ouais. Au niveau de la prod et tout, c'est nickel. Ouais. Donc voilà. Après, je sais pas, l'album, ce qu'il va valoir. Mais là, j'ai vu vaguement qu'ils voulaient balancer ce morceau-là parce que c'est le morceau qui parlait le plus au niveau de leur album à sortir, qui était le plus représentatif, je crois, de l'album qui va sortir. Grosso merdo, c'est à peu près ce que j'ai lu. Quoi. Okay. Donc, voilà, j'ai survolé. Hein. Ça doit être le batteur, je crois. Je me doute, t'avais beaucoup écouté, donc t'avais pas... C'est ça. Voilà, j'ai pas eu trop le temps parce que... Voilà, Ultimas. Mais du coup, t'as bien aimé ou pas ? C'est un morceau de 5 minutes. J'ai bien aimé l'aspect propre. Ouais. Ouais, ouais. C'est. Non, enfin. C'est-à-dire le côté prod de musicien qualifié. Voilà. Hey. Mais... Après, je dirais, comme on dit souvent, dans une playlist, ça passe tout seul, sans okay. problème. Et mais c'était quoi comme style alors ? Ça ressemble plus à un death metal, quand même. Ouais. Ah. Et est-ce que tu serais tenté d'aller écouter l'album ? Pourquoi pas ? Voir ce que ça peut donner. Et de les voir sur scène ? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas où ils passent. J'imagine que c'est pareil, Temple ou Altar dans l'esprit. Oh là là. Mais j'imagine qu'ils passent à une heure plus tardive, vu que ça reste quand même des grosses pointures. Altar. Voilà. Le dimanche. Pardon. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Mais après, ouais, j'ai pas grand-chose à dire, vu qu'ils n'ont qu'un titre et que... Et que tu l'as écouté en entier qu'une fois. Non, je l'ai écouté en entier plus d'une fois. Moult fois. Moult fois, parce que j'avais que celui-là à écouter. Du coup, ouais, hein, tu t'y allais. C'était plus simple. Je me suis... Tu t'es posé. Massé les oreilles, les enclumes et les étriers. Et puis, ça fait beaucoup de choses. Ouais, je sais. Ouais. D'accord. Est-ce que tu le mets sur ta liste de trucs à écouter? Eh bien, écoute, c'est parti. Non, je le note sur quoi? Ultimas ou Vultimas? Ah bah, tu fais comme tu veux. Vultimas. Fais comme tu veux. T'as qu'à faire le V grec. C'est ça. Et puis, tu marques Ultimas à côté. De toute manière, on annoncera au moment de la sortie parce qu'on est un podcast de qualité. Oh, de toute façon, ça fait combien de temps là? Ah, on est à une heure. Ah bah voilà. Oh, il y a peut-être encore une personne. Maman. Eh bien, c'est ça. Bon bah, je vais parler de Deadland Ritual qui passera le samedi en main stage. Donc, qui est un groupe qui a comme Ultimath. Un seul titre. Un seul titre pour l'instant. Donc son album va sortir en 2019, je suppose, j'espère. Ce qui relance vraiment quand même la question de comment on fait une playlist. Hein. Enfin, comment on fait une programmation de festival. Oui, complètement. Voilà, enfin c'est... Enfin, ça serait... Moi, je serais assez... Encore une fois, c'est con ce que je veux dire, mais je serais assez curieux justement de poser des questions aux organisateurs pour dire hey, « mais pourquoi ?» Comment, surtout Qu'est-ce qui vous permet, enfin, qu'est-ce qui vous décide, je veux dire, c'est des arrangements ah ouais. De, tu vois. Donc, Deadland Ritual, alors là, la petite variante, ben, toi aussi c'était un peu le cas, mais à un autre niveau, est un super groupe de hard rock anglo-américain formé en 2018. Le groupe est composé du batteur Matt Sorum, anciennement de Guns N' Roses, de Velvet Revolver et d'autres groupes. C'est lui qui a d'abord conçu le groupe en recrutant le chanteur, Frankie Perez d'Apocalyptica et anciennement Scars on Broadway. Et le groupe de Darren Malakian. Ouais, je vois bien. Mais pour que je me souviens, bah, apparemment, sur le premier album, le chanteur, ça devait être Frankie Perez. D'ailleurs, petite aparté, Darren Malakian annonce qu'il y aura du nouveau de Scar on Broadway en 2019. Donc, il vient de sortir son deuxième album après 10 ans. Ouais. Il a dit, je ne vais pas encore attendre 10 ans, donc il y a sûrement des nouveaux trucs arrivés en 2019. Voilà. Comme la rumeur que System of a Down sera en studio pour... Non, pas du tout, justement. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ouais, non, c'est pour ça que j'ai... Ouais, non. Il dit, il n'y aura rien avec mes potes, machin, donc moi, je vais faire des trucs. Ouais, voilà. Et le guitariste Steve Stevens de Billy Idol et l'ancien bassiste de Black Sabbath, Geezer Butler. Tu dirais Geezer Butler ou Geezer Butler? G-E-E-Z-E-R. Parce que moi, je n'ai pas la prononciation. J. Hein? Geezer. Geezer? Ouais. Geezer. Geezer Butler est venu plus tard... Mais c'est ce qui a permis de finaliser le groupe. Ah ben bah voilà, c'est ça. Donc on est déjà un peu, tu vois, sur un peu de... Ouais, ça va. Un bon maillot. Ouais. Je tenais aussi à dire que j'avais fait une news il y a quelques semaines où je racontais qu'il y avait déjà un titre qui était sorti et que j'avais spoilé en disant que c'était pas terrible. Je vais revenir dessus, mais j'ai un peu été un connard. Mais dis donc hein. La formation ça a été... Ça y est, tu t'en rends compte. Oui. La formation a été annoncée... Mais j'ai eu quelques indicateurs. La formation a été annoncée pour la première fois le 3 décembre 2018, lorsque les grands... Les membres... Oh, lorsque les grands... Quoi est-ce que c'est... Lorsque les membres du groupe ont commencé à publier des teasers de nouvelles musiques sur leur page de médias sociaux. Matt, le batteur, a également proposé le nom du groupe qui reflèterait l'idée d'un espace mort ritualiste. J'ai rien compris. Deadland Ritual a publié son premier single et clip vidéo Dawn in Flame une semaine après la première annonce. Donc en gros, en décembre, il y a un super groupe. Hey, voilà une chanson. Hey, ça fait déjà un mois que vous êtes marqué pour le Hellfest. Ça fait bizarre le décalage. Ouais, bah, ouais. C'est-à-dire qu'au moment de l'affiche, il n'y avait aucune info. Ouais. Voilà. Deadland Ritual jouera ses premiers spectacles en 2019 au Download Festival au Royaume-Uni et au Hellfest en France. Tous deux au mois de juin. Et ce titre est effectivement du comment on appelle ça, du hard rock anglo-américain. Il prend le meilleur de tous les membres réunis. Et c'est des morceaux, enfin c'est un morceau pardon, très très sympa en fait. J'ai été un peu véhément en écoutant rapidement l'extrait ou le premier titre la première fois. Et là en le réécoutant plusieurs fois, il est très efficace, très sympa. Et, ouais. C'est du pur hard rock. Ouais, mais super efficace. Je te rejoins en fait sur le côté très très propre des mecs et la propre qui est nickel. Ça aide. Ouais, c'est clair. Bah, après, c'est comme même un très bon groupe de black metal bien produit. C'est toujours beaucoup plus facile à écouter qu'un... C'est sûr. Donc, j'ai pas donc, du coup, pareil que toi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'attends un peu l'album parce que ça m'a vraiment pas déplu. Ouais. Et que ça reste un super groupe et que chez Rod 12 Fest, on aime les super groupes. Ouais. Je t'en prie. Je te passe la main. Oh, c'est gentil. Alors, mon troisième groupe qui est Employed to Serve. Je ne sais pas comment. Employed to Serve. Ah ouais. Merde. C'est celui-là que j'ai confondu avec Bliss of Flesh. C'est pour ça que j'ai oublié, c'est pas Black Metal, mais oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est du nasty hardcore. Voilà. Voilà. Ah ouais, non, c'est pas du tout du. Bah voilà, ouais, pour ça, genre, bah quand même, Black Metal. Ah, c'est ça. Ah bah oui. Là, oui, d'accord, je suis d'accord. Là, oui. Non, c'est merci. Pas... Non. Donc, bah, il n'y a pas grand chose sur eux non plus. Donc, c'est un groupe anglais, je suppose, parce qu'ils ont été nominés pour meilleur groupe en 2018. Ils ont été nominés, si je ne me trompe pas, par un magazine, comme meilleur nouveau groupe de l'année. Putain, mais tous ces nouveaux groupes qui débarquent. Voilà. C'est fou. Alors, par contre, ils ne sont pas nouveaux. Hein. Ils ont deux albums. Donc, il y a Greyer Than You Remember, qui a été fait en 2015. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont été. C'est assez meilleur groupe de l'année 2018, peut-être dans leur style, je ne sais pas. Et The Warmth of Dying Sun, qui a été fait en 2017. D'accord, voilà. Donc récent. Assez récent. La convivialité d'un soleil mourant. Je pense que c'est plutôt la chaleur, c'est pour ça. Je trouvais ça assez drôle. Parce que Warmth, c'est convivialité et chaleur. Voilà. Du coup, c'est pas trop convivialité. Mais... La convivialité d'un soleil mourant. Enfin. Alors, étonnamment, j'ai juste écouté au début pour dire, et c'est après que je me suis rendu compte que c'était une gonzesse qui chantait. Et là, tu dis, ah d'accord. Ah bon ? C'est une nénette qui chante. Non ! Je te jure. La deuxième voix, ça doit être le bassiste ou le guitariste. Putain, j'ai pas du tout fait gaffe. Et, mais elle paye pas de mine du tout, quoi. Mais vraiment, quoi. Oh, la vache. Elle fait plutôt toute mignonne, toute gentille. Mais je vais te dire que comment ouais. Elle envoie, quoi. C'est clair, oui. Ah bah, punaise. Merde. Donc voilà, j'ai pas grand-chose sur eux. Ce que j'ai écouté, c'est assez violent, torturé. C'est très... C'est très en colère, C'est très nasty hardcore. Ouais, hein. C'est vrai. C'est même plus nasty que hardcore, des ouais, fois. Ouais, c'est très... Ouais, c'est... Le mélange est bien... Donc voilà, c'est... Ouais, c'est très violent. Donc je suis... Ah, je sais pas où ils peuvent passer, par contre, parce que du coup, ils pourraient bien passer sous tente aussi. Comment on a dit que ça style. S'appelait Employed to Serve. Employed to Serve. Warzone. To serve. Warzone. Warzone. Ouais. Dimanche. Tout passe dimanche. Hein. Oui, c'est étrange. À quoi servent les deux autres jours? Je ne sais pas. Écoute, 160 groupes le dimanche, ça va faire beau. Ça va faire beau, ça va faire une grosse journée, quand même. Ouais, une grosse journée. Donc, ouais, voilà, c'est... Bah, à voir, hein. Je pense que ça doit être assez énergique aussi sur scène. Mm-hmm. C'est violent. Hein. Je trouverais même ça limite plus violent que certains groupes qui se prétendent violents. Violent. Hein. Mm-hmm. Parce que c'est tellement torturé au niveau du chant. Alors j'ai lu que leur texte était ultra positif. Paradoxe. Voilà, gros paradoxe hein, dans le truc. C'est ouais c'est vraiment la confiance en soi, l'amour ou ce genre de truc. Il faut le dire avec une certaine violence. Hein. Je pense que c'est à grands coups de poing dans ta gueule, à grands coups de latte que tu vas aimer la base. Hein. La gentillesse, l'amour et les petites fleurs, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un. J'ai pas grand chose à dire. Bah, au final, j'arrive pas à savoir si t'as aimé ou pas. Est-ce que j'ai aimé c'est compliqué quand même hein, de dire j'aime. Parce que bizarrement, musicalement, t'as des trucs intéressants. Vocalement, ça reste sensiblement la même chose sur les deux albums. Y a pas de gros changements tu vois, au niveau des voix. Donc, ouais. Du coup, y a pas de travail à ce niveau-là. Et moi, ça me gêne un peu. Mm-hmm. Même la double voix, il n'y a pas de voix plus claire ou de changement, ça reste du gros nasty. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai aimé? J'en sais rien. D'accord. Je sais pas vraiment si j'ai aimé ou pas. Ah ouais, quand même. C'est... Je trouve pas ça inintéressant, mais j'accroche pas. Alors tu vois, c'est assez. C'est comme le paradoxe hein, ouais. Voilà. Je sais pas. Honnêtement, je peux pas me prononcer à ce jour. Mais tu sais pas si t'auras envie de les voir? Ah, j'en sais rien, c'est bien ça le truc, quoi. Ah ouais, c'est grave. Ouais, parce qu'il y a une certaine énergie, et du coup, ça m'a fait un peu penser à la violence du groupe de Pucciato. Dillinger Escape Plane, que j'avais pas apprécié du tout la première fois que je les ai vus, et je les ai revus il y a 2 ans, 3 ans, avant qu'ils arrêtent. Mm. Et j'avais adoré avant de succomber. Mais le peu que j'en ai vu, les 3-4 morceaux que j'ai vus, j'avais adoré, j'étais content de les voir justement, parce que j'avais appris à aimer Dillinger Escape Plane quelques années plus tard. Mais ouais, c'est un peu dans cet esprit-là, donc du coup, je sais pas. J'en sais rien. Vraiment, c'est un gros point d'interrogation sur ce groupe. Ouais. Tu fermes pas la porte, mais t'es... Ouais. Il te manque peut-être quelque chose pour... À la rigueur, je tire juste un rideau, tu vois. Ouais. Et je laisse la porte entrouverte. Mais là, par exemple, est-ce que t'auras envie de réécouter Tout de suite, maintenant, pas forcément. Je veux dire, parce que là, je les ai pris tout à l'heure dans les oreilles en me disant, je vais réécouter un peu, histoire de voir si je trouve autre chose à dire. Il y a un moment, j'ai arrêté. Ouais. Parce que ça ne fait pas l'effet Benicted, ou justement... Bah non, parce que Benaiti, justement, à ce niveau-là, c'est... T'as plein de changements musicaux, ouais, mais au non, niveau mais de la voix, au niveau de... Outre le porcin. Non, mais je veux dire, là, t'avais... Oui, donc t'avais déjà directement plus... Musicalement, Benaiti me plaît plus, forcément, parce que là, ça reste du hardcore, c'est ultra violent, dans le sens où c'est du tabassage, quoi. Benighted, pour ça, ils ont un côté un peu plus créatif, musical. Mm-hmm. Ils vont rechercher certains trucs et les changements sont vraiment très, très techniques. Mm-hmm. Que là, c'est plus vraiment du tabassage. Oh, tu m'as donné envie d'aller écouter maintenant. Et du coup, moi, je te dis, j'ai arrêté. Ouais, non, mais je comprends ce que tu dis. J'ai arrêté, je me suis dit, oh, là, c'est bon, quoi. Voilà. Mais c'est positif. Trop de violence. C'est positif. Mais oui, c'est de la violence positive, donc c'est pour ça. Ça me torture un petit peu, et du coup. Ouais, je me suis un peu scarifié en écoutant la musique. Ouais. Mon pauvre. Enfin, en même temps, je me suis juste loupé en me coupant un ongle. Mais oui, c'est non, un mais peu c'est pareil. Quoi, c'est l'idée. Ouais, on est d'accord, c'est violent. Très bien. Je vais passer à mon prochain groupe, alors qu'est la chronique la plus mal écrite à ce jour, je pense, parce que j'ai... Enfin, ah non, je pense qu'à ce niveau-là, je ne peux pas faire mieux que moi hein, sur... Sur le prochain ? Non, mais réécoute. Sur d'anciens trucs ? Ah oui. Oui, non. Non. Bon, mais ça compte pas, c'était une autre époque. T'étais jeune. C'est vrai. Donc, c'est The Living End. D'ailleurs, c'est pas mal écrit, c'est juste parce que j'ai pas. Il y avait beaucoup trop de trucs à dire, j'ai pas réussi à synthétiser. Ah, d'accord. Donc, j'ai pas synthétisé. mais je vais pas tout lire. Donc, The Living End est un groupe de punk rock et psychobilly australien originaire de Melbourne, Victoria. Deux de leurs 7 albums sont classés numéro 1 au ARIA Chart. Donc les ARIA, c'est un... Je connaissais ARIA Stark, mais... Non, c'est les Australia Recording Industry Association. En fait, c'est l'équivalent des Victoires de la Musique, mais en Australie, on va dire. Ok. Voilà. Donc il y en a quand même deux, à savoir The Living End Album en 98 et State of Emergency en 2006. Tout à fait. Aux ARIA Music Awards, ils sont nommés 27 fois... est récompensé 5 fois du single le mieux vendu pour Second Solution, Prisoner of Society, du meilleur groupe ou album pour Living End et du meilleur album rock pour White Noise et pour The Ending, It's Just the Beginning Repeating. Ouais. Prisoner of Society, qui est certainement le morceau le plus connu de ce groupe. Voilà, donc effectivement un morceau que je connaissais et je ne trouvais pas... Tout le monde le connaît ce morceau, oui, je crois. Mais moi je ne savais pas d'où je le connaissais, ouais. J'ai trouvé après. Mais effectivement, tout le monde le connaît parce qu'en fait The Living End est un groupe qui est quand même ultra connu. J'ai un album de Living End. Ah ouais ? Ouais, bah ouais. Étonnamment. Bah putain. Que j'avais acheté certainement en braderie, à un mec, braderie CD, tu sais, qui font. Et c'est lequel que t'as ? C'est une pochette rouge, alors je ne sais plus le nom. La pochette est toute rouge, rouge et noir, enfin, il y a un peu de noir. Alors attends, j'ai regardé. Si je me trompe pas, ouais, ça doit être ça, ouais. C'est quasi sûr. J'ai tellement d'albums à la fin que je ne sais plus. Modern Artillery ? Non, c'est pas ça. Ah bon. Celui-là, The Living End. C'est ça. C'est le premier. Ouais. Bah, il y a Prisoner of Society dessus. Mmh. Donc, The Living End est formé en 94 par Chris Cheney et Scott Owen qui se sont rencontrés durant l'école primaire grâce à leur sœur. Sympa la sœur. Moi, je trouve ça plutôt cool. Donc, après avoir fait une petite période d'avoir été un groupe de rockabilly où ils faisaient des reprises de Stray Cats et de The Clash. Donc, ils l'ont fait quand même à un niveau national, ce truc-là. Ouais. Ils ont décidé d'écrire leurs propres morceaux et donc de se mettre à faire et décident de prendre le nom de The Living Head, parce que quand leur groupe de rockabilly avait un autre nom. Donc, The Runaway Boy, pardon, voilà, excusez-moi. Oh, okay. Qui était leur groupe de reprise en rockabilly, donc de Stray Cats et The Clash. Parce que souvent, The Living Head est comparé à The Clash. Ouais. Beaucoup de similitudes entre les deux groupes. D'accord. Donc après, ils décident d'écrire leur propre morceau, et donc de changer de nom pour The Living Head, en référence au film Rock Around the Clock. Donc avec Cheney à la guitare et Owen à la contrebasse, parce qu'il faut toujours un contrebassiste quand il y a du rockabilly. C'est, tout à fait. C'est la base. Donc ils font une chanson, et pour essayer de se faire un petit peu connaître, ils envoient une démo et un t-shirt au chanteur de Green Day, ce qui marche plutôt bien parce qu'ils vont assister après, ils vont partir en tournée avec le groupe. Ouais. Donc après, ils vont faire, je vais passer un petit peu sur toute l'histoire parce que j'ai quand même beaucoup de choses. Le groupe cartonne avec leur premier album. Ils en font un deuxième, ça marche bien. Un troisième, ils recartonnent avec le quatrième ou le cinquième. À chaque fois, ça se vend plutôt bien. Le troisième ou quatrième album, je ne sais plus comment, il fait un peu le tour du monde, tout ça. Et une de leurs chansons est incluse dans le jeu Guitar Hero World Tour. Et c'est là que tu l'as connue. Mais oui, parce que moi, d'accord, je les ai tous saignés. Donc, je la connaissais, cette chanson. Et j'avais vraiment du mal à dire, putain, où est-ce que j'ai entendu ça? Et donc, c'est dans Guitar Hero. C'est vraiment une très bonne chanson, d'ailleurs. Ils ont fait de la bande... Ils ont un morceau qui est devenu la bande-son d'un des films. Ils ont fait plein de trucs. Ensuite, il y a tout un passage où le chanteur fait un arrêt. Il arrête parce qu'il est en train de faire un burn-out, en fait. Et il a l'angoisse de la page blanche. Donc, pendant tout ce temps-là, il va se passer du temps avec sa fille et à essayer de retrouver un peu d'inspiration. Ouais. Et c'est en fait son contrebassiste qui va venir le chercher, qui va dire « Allez, vas-y, remets-toi dedans. » Et ça marche, et ils se remettent dedans, et ça recartonne. Ah, en fait, ils sont nés pour cartonner que les mecs, quoi. Ouais, voilà. Bah, après, ouais, c'est leur destin, quoi. Oui, non. Après, c'est particulier, mais c'est... Enfin, la musique s'y prête aussi, je trouve. Leur musique est vachement... Je dirais, elle a un style populaire, pas dans le côté négatif de ce que je veux dire, mais je les trouve pas forcément si arrêtés que ça au rockabilly. Je trouve que c'est vachement large ce qu'ils font. Je veux dire, il y a une balade que j'ai écoutée, c'est une balade. Ouais. Amsterdam, la chanson... En plus, les paroles, c'est bateau. Je reviendrai plus à Amsterdam. Tout ça. C'est triste. Oui, parce que c'est plutôt une belle ville. oui, c'est vrai. Mais au moment où il fait son burn-out, quand même, il avait quitté vraiment le groupe. Hein. Ouais. Donc c'était fini. À noter aussi qu'il y a eu un changement. Il y a eu plusieurs changements de batteur. Bon, bah, apparemment. Souvent dans les groupes. Spinal Tap, c'est pareil. Il y a souvent dans les groupes un membre comme ça qui meurt. Qui peut rotater. Et donc, ils ont sorti un huitième album, c'est ça ? Huitième album ? Non, neuvième album. Le 10 juillet 2018, leur huitième album, pardon, Wonderbra, que j'ai écouté, ainsi que deux, trois autres albums. Et en fait, tout ce que j'ai écouté m'a plu. Il n'y a rien que j'ai écouté où je me suis dit, tiens, c'est nul. Mais pas m'a plu de genre, ah, c'est trop bien. Genre, c'était bien. Ouais, c'était cool. Ouais, toi, c'est genre, ouais. C'est vrai, ça fait un peu... Alors, la dernière fois, je parlais de Rivalson, qui était un groupe que je pensais qu'on pouvait mettre en playlist, mais plus général. Ça, c'est presque encore plus, parce que il y a aucun moment où c'est trop rock. Il n'y a aucun moment où c'est trop gnangnan. Ouais. C'est un mélange des deux qui avance bien. C'est jamais tout à fait pareil non plus. En plus, je trouvais qu'il y avait plein de sonorités de plein d'autres trucs différents. Parfois, je trouvais des petites sonorités à la System of a Down. Donc, ça doit être System of a Down qui reprenait un style particulier, plus que dire qu'il faisait du System of a Down, mais ouais. Plus dans vraiment dans la sonorité de faire sonner les choses. Donc, c'est jamais trop rock, ça va jamais vers le métal, ça reste toujours un peu punk. Ça me fait vachement penser aux premiers albums d'Offspring. Tu vois le côté pas trop fermé dans un truc un peu on peut se permettre des choses. Alors il y a effectivement un côté rockabilly, mais je trouve pas que ce soit trop prononcé. Ouais, voilà. Ouais. Et de moins en moins avec le temps, il y a toujours un petit peu, mais comme il y a un petit peu de punk rock, comme il y a un petit peu de tout, et c'est super agréable. Il y a pas il y a pas un truc que j'ai écouté qui m'a déçu. Mais il n'y a rien non plus qui m'a fait dire « Ah, oh, c'est trop génial ouais. !» C'est un très bon groupe, voilà. C'est pas... c'est cool. Ouais. C'est très très cool. Tu irais les voir ? J'ai regardé des lives qu'au bout d'un moment, j'ai laissé en fond sonore et que je ne regardais plus. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure période pour les voir. Tu vois, je pense que c'était peut-être plus sympa à une autre époque, parce qu'ils sont, il est un peu plus vieux, ils sont un peu plus vieux, ils ont un peu pris de la bouteille. Et je dirais pas que c'est forcément un groupe ultra de scène. Je Ouais. dirais pas que c'est pas forcément des bêtes de scène. C'est pas nul sur scène, mais comme leur musique est ni trop un truc ni trop l'autre, ça fait comme ils essayent d'avoir après une setlist qui pioche un peu partout. C'est sympa et tout ça. En fait, ça pour. Ouais, je pourrais aller les voir pour passer un très bon moment. Ouais, c'est ça, Tu c'est ce que vois? j'étais en train de me dire. Tu vois Hein. vraiment le côté de se dire, putain, là, il y a quoi? Il y a ça, qu'est-ce que ça? Bon, j'ai envie de passer un bon moment. Alors, bah, tu vois, un peu comme on a fait cette Tout à année, ça fait. nous arrivait d'aller voir des groupes pour passer un bon moment. Exact. Bah, c'est vraiment le groupe pour ça. Donc, oui, je pourrais les voir. Mais en tout cas, c'est très bien. Vraiment très bien. Je peux Ouais. pas. Ok. Ouais. Voilà. Et par contre, je pourrais acheter des CD. Clairement. Ouais. Parce que c'est vraiment un CD que tu peux mettre. J'aime bien avoir des albums ou des groupes comme ça que tu peux mettre avec n'importe qui et n'importe quand. Ouais. Je trouve ça, Dans la Clio. par exemple. Classe. Sans que ça gêne personne, en fait. Ouais, bah. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, comme un Sum 41. Ouais. Par exemple. Non, mais Ah, si, ça peut gêner les gens. alors que des fois, Lamb of God, c'est tout de suite un album que tu vas baisser pour pouvoir parler avec l'interlocuteur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Alors que ça, non. C'est vrai. Voilà. Mais je préfère Lamb of God, attention. Ah, bah écoute. Me faites pas dire. C'est pas non plus. Je t'en prie, passe à ton dernier groupe. Tout à fait. J'ai pas dit oui passer, pardon. J'ai dit oui passer? Non. Il passe en Warzone le samedi. Ah, tu vois. Il y a du samedi quand même. Il y a du samedi un peu. Ah. Eh bien, mon dernier groupe est Mesa. Un groupe étonnant. T'as vu la publication que j'ai fait? J'ai pas lu, non, je crois pas que j'ai lu. Ah si, si, si, oh là, oui, si, si, si. Oh putain, là j'ai dit non, bon pourquoi, dis donc. Ah. In the Ça va. bottle. Sage in the bottle, c'est ça. C'est pas mal. Oh, ça va. Ça passe. Après, c'est Mesa, sage. Ouais, non, mais. Mesa sage. Oui, bon. C'est ça, moi, qui m'a choqué. Mais tu as raison. Je fus tout Tu transier. as raison, j'ai raté. Voilà. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. J'essaierai, Je te j'essaierai. fais C'est confiance. gentil. Merci. Voilà. Donc, Mesa, qui est un groupe de doom originaire de Cittadella, en Italie. D'accord. Puis-je me permettre un petit commentaire? Bien Il sûr. passe dimanche sous la vallée. Oh bah merde, encore. Bon, il n'y a que la vallée qui change. Donc voilà, groupe formé en 2014. Ils ont deux albums. Belfry, premier album en 2014, et A Fist for Water en 2018. Voilà. Groupe étonnant. C'est vrai. Ouais, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai trouvé ça très bien. Ah Pour oui? ma part, ouais, j'ai vraiment aimé. Et pourquoi étonnant? Bah, c'est le côté très très calme Ah oui. des débuts de morceaux. Bah moi j'ai pas été au-delà du très calme. J'ai écouté un ou deux morceaux, j'ai pas vu autre chose. Mais non, mais vraiment, c'est. Enfin, moi je trouve ça bien. Ah mais J'aime bien, franchement, j'aime bien. j'ai été jeter un oeil sur leur page Facebook. Il y a un morceau qui a été recommandé par le magazine Rolling Stone. Ouais. Du coup, bah, c'est celui que j'ai posté sur notre page. Et quand je l'ai écouté, c'était une fille qui chantait. Enfin, on aurait dit une fille qui chantait. Donc, C'est une femme qui chante, ouais. ouais. D'accord. Ouais. Bah, du coup, oui, et je me suis dit, mais ouais, bah, d'accord. Ok. Mais tu pourrais te demander ce que ça va faire au Hellfest. Moi, j'ai pas entendu. Mais en fait, ça m'étonne pas du tout. Et la vallée m'étonne encore moins, quoi. C'est tout à fait la scène sur laquelle il. Voilà, moi ça, je les trouve très bien. Programmation parfaite, après on n'a pas l'heure, mais. Non, franchement, j'ai été agréablement surpris. Au début, je me suis dit, putain, la vache, quoi, c'est un truc ultra zen et tout. C'est vraiment le truc très très calme, très posé, très. T'as des petits bruits d'eau, si je me trompe pas, dans certains morceaux. T'as un petit bruit de rivière qui coule, machin. Je me suis dit, putain, la vache, quoi, c'est quoi ce truc, quoi? Puis j'ai écouté au casque, alors donc c'est forcément le son est Immersif, ça, amplifié. en plus. Et totalement immersif, ouais. Et je suis, putain, la vache, c'est quoi ça? Puis à un moment, ça part. Alors, je dirais pas que c'est un groupe de doom, moi, parce que le doom, je le vois plus lourd. Je dirais que c'est plus. Ah, c'est. Moi, j'ai vu pas mal de mélanges de... Ouais, il y a un mélange entre le doom et un côté... Merde. Je dirais pas Dead Can Dance, mais tu vois, dans l'esprit, truc très zen, très cool. Il y a un truc assez rock qui va te prendre vraiment le... Qui va te prendre au trip, quoi. Qui... C'est... Ouais, non, c'est... Non, J'ai envie c'est... d'écouter maintenant. Non, non, franchement, c'est... J'ai adoré, quoi. Il n'y a pas un morceau qui m'a fait arrêter, quoi. Est-ce qu'il y a une continuité dans les albums? Je veux dire, quand tu Bah, il y a que deux commences. albums, donc Ouais, après. mais non, mais pas dans la... Mais tu sais, quand tu commences un morceau d'un album, Ah ouais, est-ce qu'il y aura une histoire, qui veut qui un Bah, fil c'est quoi parce dans que les moments où ça s'énervait un peu plus, entre parenthèses, c'était dans les morceaux ou c'était d'autres morceaux? Tu vois Ah ce que non je non, veux dire? c'était chaque morceau en fait. Ah oui? T'as un truc assez calme au début, Et très puis après, cool, ça. et ça monte en puissance en fait. Ah ouais, bah, je vais l'écouter. Et c'est non, c'est bien, franchement, j'ai été agréablement surpris. Et je pense que j'irai les voir. Si vraiment il n'y a rien d'autre en face qui va me pousser à les voir, j'irai les voir. J'irai voir Messa. Et à un moment donné, il va falloir arrêter de jouer la carte s'il n'y a rien d'autre en face, d'accord? C'est tu vas les voir ou Non, non, tu vas mais pas s'il y a les vraiment voir. rien d'autre en face que j'ai envie absolument de voir, quoi. Bah ouais, mais il faut faire des choix, donc faut être Mais capable je ne de. sais pas, on n'a pas le running order, Mais donc peut-être, mais après. là, t'as dit, c'est trop bien. Mais c'est bien, ouais, non, franchement, j'étais vraiment Tu l'as dit. superbement, T'as dit, c'est agréablement surpris. bien. C'est bien! Est-ce que t'achèterais un CD? Pourquoi pas? Est-ce que Peut-être t'achèterais même les deux deux. CD? Ouais, peut-être les deux, ouais. Ouais, non, j'aime bien. Mais après, le truc, moi, c'est si j'achète des CD, c'est pour les écouter plus dans ma bagnole, donc du coup. Grave. Et ça te part. Ah Ouais, mais oui. dans ma bagnole, j'écoute plus De de ce que trucs je peux qui. écouter moi, tu vois. Ouais. Du coup, quand tout à l'heure tu disais que c'était très calme et tout ça, est-ce que t'as pas peur justement que sur scène ça soit pas. Ah non, non, non. Non, non, franchement, non, parce que j'ai vu des groupes au Hellfest T'as vu sur des la. groupes au Hellfest? Ouais, j'en ai vu deux. Ah oui, oh, tu m'as fait peur. Deux ou 12. Je sais plus. Je confonds toujours Les les nombres. 12. Les deux. Je ne sais plus. D'accord. Et du coup, ouais, j'ai vu des groupes ouais, au Hellfest. D'accord. Ouais. C'était sympa. Bah, tu m'étonnes. Hein. J'ai trop bien aimé. D'accord. Donc, tu recommandes ce groupe en tout cas. Oui. Eh ben, j'irai écouter aussi. Très bien. D'autres choses à dire? Non, non, c'était bien. J'ai adoré. Et voilà. Mais ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit ça ton groupe, mais parce que tu m'as dit, ah, il y a un groupe que j'ai bien aimé. Je m'attendais Eh pas. ben non, j'ai ouais, c'est ça, ouais. Mais tant mieux, tant Vraiment, mieux. ouais, C'est c'est. cool. Une des bonnes découvertes. Totalement. Merci Rod to Hellfest. Première, oui. Merci, Rotwell. Merci, le Hellfest, déjà. Hein, de base. Ah ben oui, Et merci, mais. Road to Hellfest. Ah ben quand même. Voilà. Alors, mon dernier groupe, The Obsessed, passera le dimanche sous la vallée. Première question, est-ce que tu connais? De nom. Ouais. Ah. Eh ben, moi, oui, de nom, mais je m'attendais pas du tout à ça. Ah ouais? Mais je t'en ai parlé parce que je m'attendais plus à un groupe genre black metal ou death metal, un truc. Ouais, tout à fait. Et The Obsessed est un groupe de doom metal et stoner Ouais, d'accord. américain, originaire de Potomac. J'aime bien Potomac. Dans le Ouais. Maryland. Il est formé en 1976 Comme par clutch. Scott Wino Venricks et compte plusieurs séparations depuis sa création. Alors, mon gars, accroche-toi à ton calebar parce que là. Ok, vas-y, c'est Là, parti, je suis accroché. l'histoire, elle est ouf. Le groupe se forme originellement sous le nom de War Horse en 1976 avant de changer de patronyme en 80. Le groupe devient un trio suite à un départ. Du coup, quand on repasse à trois, qu'est-ce qu'on fait? On déménage à Rockville et on emménage tous ensemble. Jusqu'en 82, où le groupe redevient 4 heures. Ça veut dire 4. Le groupe sort un EP sur leur propre label, Invictus Records, et enregistre un premier album qui ne sortira qu'en 90. En 85, 5 ans avant, Wino accepte de remplacer Scott Rigger dans Saint Vinus et dissout le groupe. Ah, sympa! Donc, en Quel enfoiré! 85, il dissout le groupe. 5 ans plus tard, l'album sort. C'est quand même paradoxal. Ouais. C'est donc grâce à l'offre d'un label allemand proposant de publier l'album que Wino va reformer le groupe avec deux nouveaux musiciens. Greg Rogers à la batterie et un certain Scott Readers à la basse. Scott Readers, Scott Readers. hein, qui a fait partie de Chaos. Ben, j'allais le dire après. Ah, Bien pardon. entendu, le leader de Saint Vitus, Dave Chandler, oblige Wino à faire son choix entre les deux groupes. Il choisit The Obsessed et en profite pour sortir un nouvel album en 91. 93, un certain Scott Readers rejoint Chaos. Il est remplacé par Guy Pinas. 94, troisième album, mais les ventes n'étant pas à la hauteur, le groupe se retrouve sans contrat. 95, Wino. Qu'est-ce qu'il fait, Wino? Au hasard? Il est dissous le groupe. Non, non, Ah il est non. emprisonné à la suite d'un braquage d'un liquor store. Ah, pff, il était bourré encore. Grave. Du coup, Il forme Spirit Caravan avant de rejoindre Sun Vicious en 2003. Spirit Caravan. Parce que, pourquoi pas. Tandis que... J'ai eu un album de Spirit Caravan pour mon anniversaire. Ah ouais? Ouais. C'est marrant. Tandis que les deux autres musiciens, donc, qui forment Goat Snake. Goat Snake, d'accord. À la vache. Reformé en 2011, le groupe donne son premier concert au Roadburn Festival en avril 2012, puis une seconde date au Hellfest en juin de la même année. Été 2014, Wino tourne avec Spirit Caravan, puis en novembre avec Saint Vitus. Interpellé par la police norvégienne pour possession de substances illicites, il est aussitôt expulsé. Saint Vitus décide de se passer de ses services. Du coup, oui. Début 2016, il réactive The Obsess avec le dernier line-up en date de Caravan. Tout au long de l'année, le groupe va subir des changements de line-up passant de 3 à 4, puis finissant à 3. Et en 2017, nouvel album du groupe, et depuis, j'ai pas trop de nouvelles. Putain, vache, le merdier. Tu vois, c'est ouf, hein. Ouais, bah c'est ça la vie de rockstar. Ah ouais, non, mais c'est complètement dingue. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'ai trouvé ça très très sympa. C'est vraiment sympa, c'est vraiment stunner. J'ai pas trop vu le côté doom du coup, mais j'ai trouvé, j'ai vraiment bien aimé. J'ai écouté plusieurs albums un peu dans le désordre, un peu à droite à gauche. C'est très sympa, ça se passe super bien. Tu sens pas trop, comment dire, les méfaits du temps. Parce que tu dis qu'avec un mec comme ça, qui a tourné à droite, à gauche, qui a fait partie de plein de groupes, tu pourrais avoir un truc, mais non. Du coup, ils ont une discographie qui est pas trop, qui est pas très grande. Alors, j'ai pas noté. Ils n'ont pas tant d'albums que... Merdier. Ah ouais, non, mais du coup, en fait, c'est... Il est occupé, hein. Mais oui, mais c'est un groupe un peu comme toi, que je connaissais déjà, mais sans trop savoir. Et tu vois, il y a cinq albums et un live qui est sorti en 2018, que j'ai pas écouté pour le coup, parce que ça m'intéressait pas trop. C'est un live de 82, en plus. Ouais, donc cinq groupes. Et ouais, non, c'est très sympa, c'est très bien, ça marche bien. En plus, ça a vraiment un côté rock un peu... Je dirais que c'est un peu du stoner un peu burné de temps en temps. Donc voilà, je recommande The Obsess okay. Pour le côté efficacité. Donc puis t'as dit Valais. Valais le dimanche. Encore. Je crois. Hein. Valais le dimanche, ouais, c'est ça. T'as sur 8 groupes, on a un groupe qui joue le samedi, quoi. Ouais. C'est pas si mal. Non, mais je veux dire, c'est fou quand même. Ouais, c'est dingue. Ouais. Voilà, donc c'était tout pour cet épisode 8. Je te propose de tirer les 8 nouveaux groupes. Oh, grand moment. Bah, presque un des meilleurs moments. Alors, voire le meilleur. Alors oui, s'il y a un truc qu'on n'a pas fait. Ok, d'accord, très bien. On n'a pas parlé d'Amarante. On le fera. Alors, personnellement, je ne parlerai pas d'Amarante. Donc si tu veux en parler toi tout de suite... Non, je n'ai pas assez écouté. Donc, c'est dans le cadre du Knockfest. Hein, oui, on avait dit qu'on parlerait d'un groupe par émission. Donc, moi, je propose que je ne me suis pas assez renseigné sur Amarante pour pouvoir en parler. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie de me renseigner sur Amarante. Pour en parler. D'accord, donc je tiens juste à préciser qu'il a écouté 2 chansons du premier album et c'est tout. Et si, le morceau du... Et le clip, le machin. Et ça m'a suffi. D'accord, très bien. Mais voilà. je ne te jette pas la pierre, mais c'est là où je vais trouver un album au milieu. Oui, non, en vrai, ça va pas être bien. Non, je veux dire, c'est pas assez... Mais bon, je tiens à ce qu'on fasse un peu plus loin. Donc, plutôt que de passer directement à un deuxième groupe. Oui, mais moi, je suis désolé, mais un truc qui me rebute comme ça. Je peux écouter un groupe de black metal qui va. Voilà. Ah, frisson de bière. Ça va. No. Black metal. Non, c'est black metal. Ah, ça fait toujours ça. Ouais. Mais là, non, c'est pas possible. D'accord. Je suis désolé. C'est pas grave. Je vais pas y arriver. Très bien. Bah, j'en parlerai alors. Bah, oui. Et tu sais quoi, j'essaierai de le défendre, le groupe. Non, je déconne, c'est pas possible. Tu écouteras oui. aussi. Oui, bah oui. Tu écouteras, tu en parleras. Oui, je suis d'accord. Et tu te feras l'avocat du diable. Exactement. T'as vu, je prends ce ton. Alors, premier groupe de Bob. Hey, c'est moi, Bob. Salut, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonne année! Refused! Ah! Connais bah de nom pareil hein. Ok, ah tu le notes cette fois, c'est bizarre. Ouais, parce que j'ai pas envie d'écouter ce podcast de merde. Tu laisses ça aux autres, c'est bien, c'est ça. Je vais écouter Uada. Qui ça? Uada. Qui ça? Uada, d'accord. Alors, un roulement de patinette. Oh, Dream Theater. Oh là, Ah, la chance! Moi, il y a des trucs que j'aime bien, hein. Vraiment. Je vais demander à la belle Dosh, elle a des albums. Ah, Oh, la Dream chance. Theater. Il y a un album, il faut que tu l'écoutes au casque et vraiment en faisant rien d'autre en Très fait. Theater. Il y a une, non, mais il y a une histoire tout au long de l'album. Ok. Donc. D'accord. Non, d'accord, c'est. Tu peux partager avec tes petits camarades, tes collègues, tes... Non, mais c'est pas... Godsmack. Sérieux? Ouais. Oh putain. Groupe que tu connais depuis. Ouais. Et t'as approfondi depuis. Oui, Oh, Phil Anselmo and the là, c'est... Alors là. Ah bah, hey. T'es chassé, mon gars. Gabar, écoute. Après Dream Theater, Phil Anselmo. Ah. Ah ben. À mon tour. Cannibal Corpse. Ah oh bah tiens. Je suis là sur ce coup-là, je suis un peu moins chanceux là. Cannibal Corpse. Ouais, Cannibal Corpse. Bah il faut tous les écouter. Ah bah je sais bien, c'est le concept. No one is innocent. Ah, salaud. Pas mal, pas mal. Ah là, ouais, Et là. bim, je Par... Ça dirais. va être sympa que tu te refasses l'intégrale de Bah voir ouais, comment. carrément. Ça va me rappeler mon adolescence. Carpathian Forest. Ok, d'accord. Tu D'accord. vas te faire un petit carpaccio de chêne. D'accord, bah écoute, Carpathian Forest. Très bien. Bon, bah voilà. Donc, on se retrouve. Alors, normalement, la semaine prochaine, mais on n'en a même pas discuté. Donc. Bah on en discutera Avant la semaine prochaine. avant la semaine prochaine, Et du coup, genre bah. jeudi de la semaine prochaine. On vous souhaite une Une bonne soirée, une agréable. bonne matinée, une bonne année. On vous souhaite une agréable écoute. Oh, oui. Ah Et on s'excuse pour tout. non, pas personne. Non, ça, moi, non, ça va. Parce qu'il est bourré. Bon, non, ça va, j'en ai bu que 7. Donc, encore une très bonne année à tous. N'hésitez pas à nous faire des retours. On est très demandeurs. Ouais, Et on on. est très preneurs ouais, aussi. Oui, bah c'est oui, c'est vrai. On prend, on Ouais, donne, ouais. on de prend, on demande, On on donne, demande. on donne. Bah, on Enfin, demande parce qu'on veut prendre. voilà. Oh, c'est compliqué ça. Oh, ouais, non, Non, pas non. tellement. Du coup, On vous aime. et on vous emmerde. Et à la prochaine fois. Bisous. Bisous. On dit tous les deux bisous. Non? C'est un nouveau concept pour Ah, d'accord. 2019. On dit tous les deux bisous. C'est... Oh. Non, tu veux pas? Bisous, la bise. Bisous, bisous. Bisous, bisous, lance. Ouais, je vais peut-être arrêter là alors. Ouais, bah je pense, hein.